dans la vie de croisière d'assemblage requis. Marie-Pierre est de retour pour nous faire sa chronique littérature et les choses que vous ne devriez pas nécessairement savoir dans C'est un fait. Assemblage requis tout de suite. Mes écouteurs grichent, ma voix est quasiment plus intéressante lorsqu'elle griche dans mes oreilles. Oh. Moins agressante, non. Bonjour, bienvenue à la vie de croisière d'assemblage requis. On est en direct ce jeudi 14 juillet 2011 sur le bateau SS Requis. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Marie-Pierre Lafourche-Bourret. Et oui, Marie-Pierre Lafourche-Bourret, qui est de retour après un congé d'une semaine. Oui. On appelle ça un congé, c'est pas tellement un congé. C'était pas tellement un congé. Du travail, mettons. Oui, mettons, on va dire ça comme ça. Donc, on va remercier encore une fois Myriam Fugère d'avoir co-animé à ta place la semaine passée. Oui, Plante et Fugère. Oui, Plante et Fugère. c'est bon de le rappeler. Les prochaines semaines, on va en reparler plus tard, mais tu vas aussi avoir une remplaçante ou un remplaçant pendant les prochaines semaines. On va profiter de toi pendant que t'es encore là. Oui, oui, oui, c'est ça, mais je vais partir 3 semaines et après ça, je reviens pour le reste de l'été. J'espère, mais pour toujours. Pour toujours. Pour tout l'été. Bon. Aujourd'hui, dans l'émission, on va avoir Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori. On ne sait pas encore de quoi elle va nous parler. C'est toujours un secret, le top secret. Un secret top secret, c'est une belle façon de dire les choses. On va avoir aussi Simon Fidibé avec sa chronique Le scout des internets. Il va nous parler de tout ce qu'il y a de geek sur vos ordinateurs et autres gadgets personnels. Tu vas nous faire une chronique littéraire, mais tu ne dis pas non plus ton sujet. Non, mais je vais vous dire comme indice que c'est que l'auteur est de Trois-Rivières. Ça élimine pas mal de monde déjà. Oui, et ça commence par G, son prénom, et son nom de famille aussi. GG. Oui. G. Est-ce que c'est Lady Gaga? Non, ce n'est pas Lady Gaga. Dommage. Aussi, on a notre chronique C'est un fait, évidemment, avec plein de choses inutiles à savoir. On a la chronique Ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. J'ai hâte, ça. On peut pas passer à côté de ça, là. C'est commencé, là. On est dedans, on aime mais ça. Mais je me dis tout le temps, à quoi il pense le monde en inventant ça? Faire parler. Que de trucs inutiles, mais intéressants. On va régler des problèmes que vous n'avez pas nécessairement. Bon. Plein d'autres choses aussi à venir dans l'émission. On a notre top 20 anglophone, parce que chaque semaine pendant l'été, on bascule francophone-anglophone de semaine en semaine. Et on a deux nouvelles entrées dans le côté anglophone cette fois-ci. On va entendre Gorillaz tantôt avec Revolving Doors en 19e. Mais tout de suite en 20e position, Wolf and Cub avec la chanson Hearts. Hearts? Hearts. Ah, c'est nouveau? Ça a l'air bon. Vous êtes à la vie de croisière de son âge qui... Oui. Non, t'aimes pas ça? Je sais pas. I'm 19. Nouvelle entrée. Avec Revolving Doors, nouvelle entrée en position numéro 19. On a entendu les paroles Revolving Doors, même si ça avait l'air de The Fucking quelque chose, je sais pas, non? C'est juste moi. C'est juste toi, Mathieu. C'est sur l'album The Fall, et avant ça, on a entendu Wolf and Cub. Et on va l'entendre en 18e position. Oh! En 17e position, Chromeo avec Don't Turn the Lights On, mais juste avant, en 18e position. Voici Timber Timber avec Blackwater. All I need is some sunshine. All I need, all I need is some sunshine. All I need, the siren call beyond. Tree line with another one for the caves, and in the tar beyond those birches is a spirit that I crave, and from the island people watched you. You set that Viking ship ablaze. the tree line. Don't it's been so long. And I can't think about it. No, I can't figure it out. 'Cause just how real you feel, and every time that you appear and leave the room for doubt, it makes me wonder what you say. It's taking me back to the month of May when I watched you do it. Thinking back to what we shared, in many ways I'm already there, and I watch you do it. Don't turn the lights on, 'cause tonight I wanna see you in the dark. Don't turn the lights on, 'cause tonight I wanna see you in the dark. Don't turn the lights on. Romeo avec la pièce Don't Turn the Lights On. Ça descend de la 9e, c'est en 17e position anglophone. Et juste avant, c'était Timber avec Blackwater. Oh, de l'eau noire. Oui. Ça fait penser à un fait qu'on va faire tantôt sur Jaws, les dents de la mer. Ouh. Dans la chronique, c'est un fait, plus tard. Mais avant ça, on parle un petit peu de l'expo qui se termine dimanche. Oui, cet été. OK, c'est un peu drôle à dire comme ça. Ça fait 4 ans que je suis à Trois-Rivières, mais ouais. C'est mon premier été à Trois-Rivières. Okay? OK. Donc là, moi, je marchais l'autre jour, puis à un moment donné, je fais... Quoi? Il y a des manèges? L'enfant là, qui fait « Oh! » Et là, je me suis informée. Je me suis dit « Mais voyons, je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à Trois-Rivières? » Et là, je me suis fait dire justement, c'était l'exposition agricole. L'exposition agricole, pour ceux qui ne savent pas, ça existe depuis 106 ans. 106 ans. Ce qui est quand même très, très long. Et à la base, en 1896, quand ça avait été quand ça a été créé, c'était pour améliorer l'agriculture dans la région de Trois-Rivières. OK. Hey, juste pour t'interrompre deux secondes, tu dis 1896, première édition. Oui, 1896. Et 2011, la 106e. Donc, il y a eu des années où ça n'a pas... Parce que si on fait plus ça, ça fait 1996, on s'entend? Il y a peut-être des années que ça n'a pas lieu, par contre. Sûrement. Peut-être que c'était aux deux ans pendant un bout. Hein? On peut-être, apprend des choses. Peut-être, peut-être. On ne sait pas. Peut-être la guerre, quelque part. Sait-on? C'est bon. Donc, c'est jusqu'au 17 juillet, jusqu'à dimanche. Et dans les prochains jours, des trucs super intéressants. Premièrement, il y a le concours des concours d'animaux. Donc, si par exemple, vous avez des chevaux, des moutons ou des attelages, c'est l'endroit où il faut les inscrire au concours d'animaux. Ça donne mal, j'en ai plus. C'est plate, hein, Mathieu? Ouais. Prochaine année. Il y a également des spectacles. Donc, durant la journée de jeudi, de vendredi, de samedi et de dimanche, il va y avoir des clowns, haute voltige, des échassiers. Et le champion de motocross, Ben Milo, que ah, ben je ne suis oui. pas très motocross, mais c'est un champion. Oh. Donc, et vendredi soir, attention pour les fans d'Éric Masson, Éric Masson sera à l'exposition à 21h. Une des seules places où le voir, hein, Éric Masson, c'est rare qu'on voit ça sortir, c'est Éric Masson. Mais c'est là que ça se passe, c'est vendredi. Et ce qui est super le fun aussi, moi, ce qui m'a attiré, c'est les manèges et la foire. Donc, c'est ce qui attire pas mal tout le monde, j'imagine. Ben oui, il y avait plein de monde. Je suis allée hier soir et c'est vraiment le fun. C'est, on s'entend que c'est pas la ronde. Non. C'est peut-être les mêmes manèges depuis 106 ans, approximativement. Ils sont vieux, pas à ce point-là. Mais c'est vraiment le fun parce que je me suis dit, bon, OK, de loin, ça a l'air le fun. OK, tu te dis, ils n'ont pas l'air si pire. Mais finalement, ils sont super intéressants. Entre autres, il y a un genre de gros cercle vide. Ça s'appelle le Fireball. Et évidemment, les wagons sont attachés dans... Espérons-le, de façon sécuritaire. Et bon, c'est faire le tour et le tour et le tour de la spirale. Des fois, ça arrête en haut. Non. Donc, c'est vraiment le fun. Celui-là, c'est un coup de cœur. Mais il y avait également un... Bon, on va dire ça comme ça, un poteau avec un rack installé autour. Là. Et bon, ça te monte jusqu'en haut. Et tout d'un coup, ça lâche, la pression lâche et ça te descend en bas un quart de seconde. Je reviens dans 10 minutes. Mais ce qui est le fun avec celle-là, parce que bon, tu te dis, il a pas l'air si haut. Parce que tu le regardes, tu te dis, c'est pas haut. Mais quand t'es dedans puis que tu montes, tu vois très bien Trois-Rivières partout autour. Puis c'est ça qui est le fun. Ouais. En fait, tu regardes Trois-Rivières et tu te dis, bon, quand est-ce que ça va lâcher? T'appréhendes. Ouais. Donc, vraiment, il y a des manèges, j'ai été surprise. Bon, évidemment, le classique, les autotamponneuses. Bon, il y avait, venez ici, essayez le jeu, venez ici. Bon, OK, il y avait tout ça. Est-ce que t'as gagné tout? Hein? Non, j'ai pas essayé. Justement, c'est 12$ l'entrée. Pendant qu'on parle, tu sais, on fait pas la foire sans payer d'argent. Non, c'est ça, parce qu'on ne fait pas juste avoir avec les jeux. Là. Mais pour entrer sur le site, c'est 12$, ce qui est pas beaucoup pour une bonne soirée ou un bel après-midi, une belle soirée. C'est pour une journée, c'est 12$. Oui, 12$ pour une journée, c'est... Et même, je viens de me poser la question, je me demande même si c'est pas 12$ pour toutes les journées. Ah, ça se peut. Parce que j'avais un bracelet, puis je sais pas s'il change à chaque jour ou si c'est 12$ par jour. Je ne saurais pas dire. Je pense que les deux se font, mais je suis pas certain. Je crois qu'il y a des codes couleurs avec ça. Mais peut-être. Mais bon, renseignez-vous. Donc, jeudi, c'est jusqu'à 23h aujourd'hui. Vendredi, de midi à 23h. Même chose pour le samedi. Et attention, dimanche, la dernière journée, c'est de midi à 18h. Donc, arrivez pas à 19h pour les manèges, il y en aura plus. Mm-hmm. Donc, l'exposition agricole, une belle soirée à Trois-Rivières. Ouais. J'ai ta réponse, Marie-Pierre. Vas-y. Le prix du bracelet, c'est 12$ par jour par personne. Ça comprend l'accès au site, au manège et au spectacle. Il y a un autre bracelet qui est disponible pour les 10 jours. Il coûte 35$ par personne. Ça donne accès au site, au manège et au spectacle aussi. Voilà. Donc, amusez-vous. Oui, amusez-vous. Vous avez encore quelques jours à peine, dépendant de quand vous nous écoutez. Un bon 4 jours. C'est ça. 4 jours pour les gens du jeudi, 2 jours pour les gens du samedi, même une journée et demie. Et puis, moins un jour pour les gens qui nous écoutent le lundi. Oui. Ça englobe pas mal tout le monde. Eux, ils seront déjà allés. Pauvres petits. Oui, j'espère qu'ils sont allés. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Ça fait plaisir. Tout à l'heure, il y aura la chronique C'est un fait. On l'a dit, on va parler de jazz, entre autres. On va aussi parler de différents collectionneurs, comme les gens qui collectionnent des billets de loterie. La peur des nombris. Je connais quelqu'un qui a la peur des nombris. Je veux entendre cette anecdote-là, c'est sûr et certain. Et on va parler aussi de Harry Potter, évidemment, on peut pas passer à côté. Lui qui sort son dernier film demain, il y a quelques jours, dépendant, encore une fois. J'ai hâte de voir ça. Oui, toujours. On va continuer avec le palmarès anglophone. On était rendu à la position, aux positions numéro 16 et 15. Tantôt, il y aura Buddy McNeil, The Magic Mirrors et Octopus Hop. Et juste avant, en 16e, c'est Young Galaxy avec We Have Everything. Ben oui. On a tout. Quand on a l'émission ici, aujourd'hui, on a tout. Il manque à rien. Qu'est-ce qui manque? Le CD. Le CD. Oh, t'es drôle, moi qui essaie de remplir du temps. T'es bonne. We Have Everything, c'est ça? Oui. Bon. La 4. Plus de détails? 4. Pièce numéro 4 du CD. Et bouton play. Baissez le fond. Me la fermer. Fermez nos micros. assez fou pour l'écouter. 89.1. Vous êtes à bord du SS Requis. Attention, requin. Numéro 15. Bonne raison de commencer à fumer d'avoir une poche sur le bord de sa chemise, par exemple, de son chandail. Non? Quelle mauvaise idée que je t'ai donnée. Qu'est-ce que je vais mettre là, sinon? On vient d'entendre Octopus Hop par Buddy McNeil and the Magic Mirrors. C'est en position numéro 15. Et juste avant, c'était Young Galaxy avec We Have Everything. Et juste après, ben, c'est la chronique, c'est un fait. Hein? C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Les trois V, les célèbres, on met ses trois doigts, c'est l'index, le majeur et l'annulaire. L'annulaire, c'est ça? OK, toi, tu prends les deux doigts d'une main, puis les quatre mains... Je comprends plus, là. Donc, commençons avec notre premier fait rapide ici. Je sais pas si en français c'est différent, mais en anglais, un lotologiste, c'est quelqu'un qui collectionne les billets de loterie. Hein? Et en date de l'année 2006, Dennis Morris, qui est un lotologiste ou lotologue, je sais pas, avait plus de 250 000 billets de loterie perdants dans sa collection. Perdants. Est-ce que c'était lui qui les avait tous achetés ou il en a demandé à ses amis? Bonne question. Peut-être qu'il en a ramassé dans la rue aussi. Peut-être bien. Peut-être. Peut-être qu'il y avait des nuls découverts de gratter dessus, puis il n'y a pas pu, même s'il gagnait. Alors, donc, l'autologiste. Une autre sorte de logiste, c'est les sucrologistes, les gens qui collectionnent les petits paquets de sucre dans les restaurants. Sweet and low, non? OK. Maintenant, devine qu'est-ce que c'est la panthérophobie. La phobie des panthères. Ça aurait été logique, mais non, c'est la peur persistante de ta belle-mère. Oh! Quand t'as peur de ta belle-mère, un peu comme la semaine passée, la fille qui était restée dans la salle de bain parce qu'elle voulait pas voir sa famille et était prise sur son siège de toilette. Tu te rappelles de ce fait-là, non? Puis son copain, il s'est fait arrêter, non? Ah, c'était Myriam qui était la semaine passée. Oh! Hey, Colin! Là, je cherchais vite, là. J'étais, mon Dieu, je m'en souviens pas. Non, c'était pas là. Donc, panthérophobie, peur de ta belle-mère. Peur de ta belle-mère. Pas le père de ta belle-mère. La peur du père de ta belle-mère, là, on sait pas ce que c'est, on regarde. L'omalophobie. Qu'est-ce que c'est, l'omalophobie? Ou omphalophobie, pardon. Répète donc ça. Omphalophobie. Omphalophobie. Omphalophobie. Je sais pas. Je l'ai dit tantôt, c'est la peur des nombrils. C'était celle-là. Ah! Omphalophobie. OK, j'ai une drôle d'histoire à te raconter avec vas-y, ça. Vas-y, raconte-moi ça. Ma meilleure amie a peur des nombrils. Mentionnons son nom. C'est quoi son nom? Marie-Claude. Marie-Claude, bon. Que j'adore. Et en fait, c'est un peu à cause de moi. C'est pas que j'ai montré mon nombril et qu'il est abominable. Ouais. Non, c'est parce que quand t'es adolescente, on avait écouté une émission. Tu sais, quand tu regardes la télé, puis tu joues rien, puis tu zappes d'un poste à l'autre. Et à un moment donné, on est tombé sur quelque chose comme Canal Découverte Évasion. Et ils faisaient une genre de chirurgie par le nombril. Oh. Et depuis ce temps-là, elle et le nombril, ça fonctionne plus. Ah, ouais, je peux comprendre ça. Ouais. J'aime pas ça, là. Donc, elle a développé une semi-phobie des nombrils à cause de Canal D ou ouais. Canal Évasion, ou j'en ai aucune idée. Je sais pas s'ils passent des opérations à Canal Évasion. Je pense que c'est plus... J'espère pour eux autres, d'accord. En tout cas, allons-y avec le prochain effet. La Smart Car, tu connais les voitures Smart? Bon. Au début, c'était une compagnie, une genre de collaboration entre deux compagnies, Swatch et Daimler-Benz. Donc, Smart, je sais pas si on peut dire acronyme dans ce sens-là, mais ça veut dire Swatch Mercedes Art. Swatch Mercedes Art, donc S, M puis Art. Donc, acronyme, je sais pas, parce que c'est pas toutes les lettres qui sont dans le chose. Mais bon, c'est bien. L'acteur qui a joué le petit garçon dans le film The Shining, tu te rappelles The Shining? Oui. Petit garçon bizarre un peu. Il savait pas qu'il était dans un film d'horreur à ce moment-là. Oh. Il jouait le rôle de Danny Torrance. Oui, c'était l'acteur Danny Lloyd. C'était son premier rôle. Le réalisateur Stanley Kubrick le protégeait pendant ce film-là. Vu que c'est un film terrifiant, il a fait penser au garçon que c'était juste un drame dans lequel il jouait. Donc, il lui a fait tourner les scènes à part des autres. Il voulait c'était pas qu'il ait peur. Aussi. Très intelligent. Remarquablement, Lloyd ne s'en est pas rendu compte avant, je crois qu'il avait 7 ans, quand il s'est fait montrer une version très, très éditée, là, très, très montée, sans qu'on voit trop les affaires. Et ensuite, il a pas vu le vrai film, la version complète, super épeurante, avant l'âge de 17 ans, plusieurs années après l'avoir tourné. C'est bien, j'aime ça. Michael Bay, tu connais le réalisateur de films Michael Bay, c'est lui qui fait entre autres les Transformers. Oui, j'ai vu brièvement Transformers l'autre jour. J'ai pas vu un film au complet. Ça t'a pas donné envie de les regarder, hein? Ben, correct, là. Ouais, ça dérangerait pas de pas y voir, mettons. Non, ça me dérangerait pas. Mais ça me dérangerait pas non plus de les voir. Ça te laisse indifférent. Oui, voilà. Il utilise du matériel de ses films plusieurs fois pour sauver de l'argent. Apparemment qu'on fait ça beaucoup à Hollywood. C'est plus commun qu'on réalise. Par contre, ce qui est très, très clair, en allant voir la vidéo que j'ai postée sur assemblagerequis.com dans l'article sur Michael Bay, là, il commence par Michael Bay, blablabla. Donc, on a cherché sur Internet et on a trouvé les différentes scènes et on les a mis sur des vidéos YouTube côte à côte. En fait, un par-dessus l'autre. Il réutilise des scènes du film The Island qu'il a fait en 2005 dans son film Transformers 3 de 2011. Il a aussi réutilisé des scènes de Pearl Harbor dans son premier Transformers. Vous pouvez aller voir la vidéo sur le site internet. C'est bien. J'adore ça. Ça coûte moins cher et ils font plus de profit. Hein? En fait, j'aime pas ça. Je trouve ça vraiment nul, mais bon. J'aime le pouvoir comparer. Harry Potter. On sait que la dernière partie sort, c'est quoi, demain, vendredi? J'en ai aucune idée. Quelque chose de genre, on s'en fout. Donc, Harry Potter, le petit éclair qui est sur son front, là, a dû être appliqué approximativement 5800 fois par des artistes du maquillage à travers tous les films. Non seulement ça, Daniel Radcliffe, qui est l'acteur qui joue Harry Potter, a dû être recicatrisé 2000 fois. Ses cascadeurs, différents stunt doubles et body doubles, ont dû eux aussi se faire appliquer la cicatrice sur leur front à chaque fois qu'ils apparaissaient à l'écran. Donc ces Potter anonymes-là, donc avec des noms différents, qui sont pas Daniel Radcliffe, ont eu 3800 environ applications. Donc ça fait en tout 5800 pour le rôle d'Harry Potter. C'est peut-être tout le temps la même personne qui est engagée juste pour faire les cicatrices. Tu finis par savoir comment la faire et être exactement pareil à chaque fois. Ouais. Le Nauru est le seul pays du monde qui n'a pas de capitale officielle, de ville capitale officielle. Le Nauru. Eh bien. Tu connais le fruit, le durian, D-U-R-I-A-N? Non, je connais pas ça. Si je me rappelle bien, je vais chercher, mais je crois ne pas me tromper en disant que c'est une espèce de grosse boule avec des pics, c'est exactement ça. D-U-R-I-A-N, si vous tapez sur Google Images, ça se trouve très bien. Moi, je sais que ça s'appelle le durian parce que dans Super Mario Sunshine, il y avait des durians. Ça joue au soccer avec. Donc, l'odeur, apparemment que c'est vraiment une mauvaise odeur, ce fruit-là, le durian, mais apparemment que c'est très, très délicieux. Mais l'odeur est tellement désagréable que le fruit est banni dans les métros de Singapour et dans plusieurs hôtels du monde. Oh. Ça pue! Mais ça fait penser à l'enveloppe d'une lentille. Ah! Mais ça n'en est pas. C'est joli, hein? C'est très joli, je trouve. Le mot Mohawk, tu connais le mot Mohawk, j'imagine. Oui. C'est un mot en arangasset qui veut dire cannibale. Je savais pas ça. Ça vaut la peine de savoir ça. L'hiver 1932 était tellement froid que les chutes Niagara ont complètement gelé. C'était solide. En quelle année? En 1932. OK. Parce qu'on s'entend que c'est beaucoup d'eau, les chutes Niagara, oui. Donc ça bouge tout le temps. Faut qu'il fasse vraiment est-ce froid. Est-ce que ça dit quelle température elle faisait? Non, malheureusement. Mm. Non, j'aurais aimé ça. Niagara, 1932. Température, on va chercher ça, voir s'il n'y aurait pas... Une photo de 1832. Il y a une photo de la chute, par contre. J'espère bien. Ouais. Non, je vois pas, là, je vois pas. Non, désolé. Ah, ouais, ouais, ah, j'aurais aimé ça, mais non, ça marche. Une autre fois, peut-être. Savais-tu qu'un crocodile ne peut pas sortir sa langue? Non, je savais pas. Impossible, ça se fait pas. Pauvre lui, t'sais. Il peut même pas faire de grimaces. Comment tu veux niaiser les autres crocodiles? Tu peux pas. La figure, la face de l'oncle Sam, tu sais, le personnage fictif là, qui te demande, qui te recrute dans l'armée, I want you. Oui, ouais. Oui. Oncle Sam, donc, a été la personnification fictive, oui, des États-Unis. Ça a été modelé, ça, d'après un vendeur porte-à-porte du Canada. C'est un Canadien, vendeur porte-à-porte. Mm. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que tu le laisses rentrer ou pas dans ta maison? I want you, c'est ça la question. Le Manitoba est la capitale du Slurpee ou de la slush dans le monde entier. 7-Eleven, les dépanneurs 7-Eleven, disent que la province canadienne du Manitoba vend plus de slush, de Slurpee, par magasin que n'importe quelle autre région dans le monde. Eh ben. Le designer du bikini, le gars s'appelle Louis Reard, R-E-A-R-D, a dit qu'un maillot de bain en deux morceaux ne pouvait pas s'appeler un bikini à moins qu'on puisse le passer à travers une bague de mariage, ce bikini-là. Ben, pour que ce soit vraiment très, très tight. Soit genre tight. Non? OK, mais si tu le passes à travers une bague, c'est soit que tu l'as très, très, très bien roulé ou soit qu'il n'y a pas beaucoup de tissu ou que ça cache pas grand-chose. Ça, c'est sûr que ça cache pas grand-chose. Surtout si c'est en deux morceaux. C'est... Ouais, j'aime ça. Ouais. Et on termine avec un dernier fait ici dans la chronique. C'est un fait... Ah, savez-vous que le requin dans Jaws s'appelle Bruce? Bruce. Bruce. C'est le nom qui a été donné au requin mécanique dans le premier film de Jaws, des Dents de la Mer. Steven Spielberg l'a nommé d'après son avocat, Bruce Rummer. En fait, il y a eu trois requins animatroniques créés pour le film et tous s'appelaient Bruce. Je ne sais pas s'il disait Bruce le premier ou Bruce 1, 2, 3. Tristement, les trois Bruce originaux ont été détruits après que le film ait été fait. Jaws dépassait de beaucoup son budget à ce moment-là et il restait pas assez d'argent pour préserver les monstres légendaires du film. Par contre, un journaliste et fan de Jaws a réussi à retrouver un quatrième Bruce qui était en train de presque pourrir dans un junkyard, une cour à scrap, si on veut. Il fallait d'ailleurs voir une nouvelle sur NPR à ce sujet-là. D'ailleurs, on dit que Bruce continue sa légendaire vie presque dans le film de Pixar Finding Nemo. Le requin dans le film s'appelle aussi Bruce et c'est d'ailleurs un hommage à la vedette de Jaws. C'est joli, hein? C'est Bruce. Joli. Ça fait tellement pas méchant, Bruce. Bruce Willis. Ah, Bruce Willis, ça peut faire méchant. Mais vous remarquez qu'il s'appelle pas Bruce dans les films. Non, juste dans la vraie vie. C'est ça, juste dans la vraie vie. Voilà pour la chronique, c'est un fait. On va se quitter avec, évidemment, l'extrait de Jaws. Et puis après ça, on écoutera les prochaines positions du palmarès. En 13e, il y aura Man Man avec Knuckle Down, mais avançant en 14e. En 14e, c'est Black Mountain avec Let Spirits Ride. Vous êtes à la vie de croisière d'assemblage requis. Faites attention aux requins. Tu te dis pas mal mieux que moi. numéro 13. Knuckle Down de Man Man en position numéro 13. Ça monte de 7 places. C'était nouveau la semaine passée. C'est la fin de la première heure de la vie de croisière d'Assemblage requis. Tantôt, on a tellement de bonnes choses pour vous. Qu'est-ce qu'on a en deuxième heure, Marie-Pierre? Simon Fudubé. Simon Fudubé! Un poste d'écoute? Un poste d'écoute! Des surprises? C'est un peu ça? Ben oui. On révélera pas tout. Mais non. Hey, il faudrait qu'on ait des petits chapeaux. Ça animerait mieux, des petits chapeaux. De avec des petites flûtes. Ouais, c'est ça. On va préparer ça pendant la pause, hein? On va préparer ça pendant la pause. Ouais. Restez là. De pas être bête, excuse-moi. Oh. C'est correct. On s'en permet, c'était temps. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Bonjour, c'est la deuxième heure de la vie de croisière à l'assemblage requis. C'est Marie-Pierre Laforge-Bourret. Et Mathieu Plante. Oui, vous êtes les requins. Évidemment, on l'a pas dit, je crois, une seule fois cet été. Du tout, on a perdu nos bonnes habitudes de vous appeler les requins. Mais pas correct. Ah, c'était une habitude? Les auditeurs d'assemblage requis sont des requins. Ah. Et bien d'accord. C'est parce que requis, requin, hein. C'est requin. Ouais. Les auditeurs des palmarès, c'est fou, s'appellent les palmiers, juste pour te mettre un petit peu au courant de. OK. Ouais. OK, donc dans la deuxième heure, on n'aura pas de palmarès trop pour l'instant. On a fait jouer que ça pendant la première heure. Donc on prend une petite pause de palmarès. Ça te dérange-tu, ça? Ben non. Ben. Parce que je sais qu'on s'en va écouter de la bonne musique. Ben c'est ça. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, Mathieu? Pourquoi? Parce qu'on s'en va écouter Bon Hiver. Oui, c'est à l'intérieur du... Poste d'écoute d'assemblage requis. Tu diras si tu trouves que c'est l'intro de chronique la plus longue du monde! Oui, c'est l'intro de chronique la plus longue du monde, c'est ce que je m'en allais dire. Et non, ce n'est pas du Bon Hiver, ce n'est pas une chanson de Bon Hiver que vous venez d'entendre. Du tout, et c'est toujours mon plaisir de faire jouer une beaucoup trop longue intro et faire mention du fait qu'elle est beaucoup trop longue à chaque fois sans la corriger de fois en fois. Ah. C'est un plaisir, comme un autre. Donc, tu disais, aujourd'hui, on écoute le nouvel album de Bon Hiver. Tu nous en as parlé il y a quelques semaines à l'émission. Oui, je vous en ai parlé il y a quelques semaines. Le nouvel album de Bon Hiver qui s'appelle tout simplement Bon Hiver. Original. Et si on se rappelle un peu ce que Bon Hiver a fait avant, Justin Vernon, c'est il y avait sorti un album For Emma Forever Ago, un album super, super bon. Ça fait à peu près 3 ans qu'il est sorti et je ne me tente pas de l'écouter. Donc, c'est des chansons qui passent super bien, qu'il avait enregistrées en plein milieu d'un bois, tout seul, un peu triste. OK, c'est ce qui ressort un petit peu de l'album. Ouais. Mais c'est tellement beau, ça a quelque chose de super beau. Et dans son nouvel album, qui est semblable mais différent, je ne l'ai pas encore assez écouté pour pouvoir me... Je ne me le suis pas encore approprié. Mais c'est bon, c'est un bon album. On se le cachera pas. Ben, j'ai bien hâte d'entendre ça et je crois que ça va être une bonne façon de se l'approprier un petit peu en écoutant les 3 premières pièces de l'album comme dans un poste d'écoute. Oui. On commence avec Perth. Tu nous as déjà, je crois, fait entendre cet extrait-là. Non, j'avais fait entendre Calgary. OK. Qui nous a fait entendre Perth? Bref, Perth de Bon Hiver tout de suite dans le poste d'écoute d'assemblage requis. Breaking your crown. juste l'écoute. Settle past the patience where wishes in your will are spilling pictures. Water's running through in the valley where we grew to write this scripture. Friend, it's on its head, it struck the street. Christmas night, clutch the light, the hallowed bride. Above my brother, I'm insane and smile. We smoked the screen to make you what it was to be. Les trois premières pièces du nouvel album de Bon Iver. L'album s'appelle Bon Iver aussi. On a entendu, c'était Holocene. Avant, c'était Minnesota, Wisconsin. Et avant, on a entendu Perth au début du bloc. C'est bien. C'est bon, Bon Iver. Ouais. C'était le poste d'écoute pour cette semaine. Pour cette fois-ci, en fait, parce que c'est rare qu'on en fait, tu sais. Hein? Manque de temps d'habitude, mais là, manque de chroniqueurs cette semaine égale poste d'écoute. Donc, si vous voulez qu'il y ait un poste d'écoute, appelez-nous pour pas qu'il y ait de chronique. Non. Non? Non, faites pas ça. On aime beaucoup mieux les chroniques. Bon hiver avec Bon Iver, et vous pouvez retrouver évidemment plus d'informations sur internet en cherchant Bon Iver, B-O-N-I-V-E-R. Son site c'est boniver.org et sur MySpace, myspace.com/Bon Iver, B-O-N-I-V-E-R. Voilà pour ça. Hey Mathieu, tu dis quoi? Quoi? Je te fais concurrence. Concurrence? Avec des faits divers. Tu veux faire des faits? Mais j'ai un fait. Un fait? Oui. Je vais mettre une intro pareil. Ok, vas-y. Ah, des faits sur quoi? Un fait sur quoi, excuse-moi? Mais en fait, c'est que j'ai trouvé un top 7 des meilleurs endroits où pogner la rhume. Les meilleurs endroits? Oui. On cherche tous le meilleur endroit. Oui, hein? Mais en fait, c'est 7 choses à ne pas toucher si vous voulez pas avoir la rhume, ou 7 choses que vous devez toucher si vous souhaitez attraper Ça dépend des gens. Ça dépend de vous. Mettons que tu as un examen ou tu sais, tu as quelque chose au travail que tu veux pas y aller. Mais non, mais des fois, c'est parce que c'est pas instantané. Là. Tu toucheras pas la chose et tu as le rhume, ça tombe juste à temps. Là. OK. Dommage. Donc, attention, si vous allez au restaurant, les menus. Les menus? Oui, les menus. Tu sais, tout le monde y touche. Moi, je check. Bon, tu prends tout ça, puis là, tu passes le doigt dessus. Ouais. Non, je vais mais prendre ça. Tu fais quoi de bord pour commander? Tu dis la même affaire que l'autre à côté? Je sais pas. Non, mais j'imagine que tu prends le menu, sauf qu'après ça, tu te laves les mains. Ah. Parce que souvent, on y pense pas, on prend le menu, puis on continue ta affaire, puis après ça, on mange des frites. Ou je sais pas trop. Puis... Donc, les restaurants devraient fournir des petites serviettes de PFK à la table pour après le menu. Ben non. Non. On est capable de se laver les mains tout seul. Purel. Oui. Et attention, ça, là, il m'a étonné un peu. Les rondelles de citron dans l'eau. Donc, par exemple, tu prends au restaurant, ils mettent une rondelle de citron dans l'eau, ils en mettent dans un drink. Mais il faut pas y toucher, mais ça dérange pas de l'avoir. Non. C'est si tu l'as dans ton verre, attention. OK. Ça, c'est comme un truc, c'est un peu différent. Là. Ouais. C'est pas si tu y touches que c'est dangereux, là, c'est si tu le bois. Là. OK. Ouais, je peux comprendre. Là, j'imagine que les gens dans les endroits, dans les restaurants, vont pas nécessairement porter des gants pour couper leur citron. Ben, je sais pas tout à fait, là, mais. Ouais. Un troisième, les salières, les poivrières et compagnie dans les restaurants. Donc, mangez fade, si vous voulez. Ils disent, eux, attention, OK, ils donnent un petit truc. Au risque de passer pour un maniaque, désinfectez le contenant. Le tenir à l'aide d'une serviette de table ne servira à rien. Ah, elles sont poreuses et les micro-organismes passent à travers. Puis après ça, tu vas finir par t'essuyer la face avec ta serviette. Tu vas tout revoir les microbes. Pas bon. Mais en tout cas, ils disent de faire attention à ça. également au distributeur de savon, parce que oui, tout le monde se lave les mains, mais quand tu mets ta main sur le distributeur, tu reprends les bactéries. Logiquement, si tu mets ta main sur le sauce, après ça, tu te frottes les mains avec le savon. Oui, mais ils disent de faire attention. C'est pas moi, Mathieu, qui le dit, c'est eux. Don't shoot the messenger. Oui. Le cinquième, celui-là ne me surprend pas du tout, c'est les paniers d'épicerie. Ouais, non, c'est ça. Ça, tu sais, même quand tu y touches, c'est sanglant, donc c'est pas très surprenant. Il y a toujours un petit distributeur de savon sur le bord des épiceries maintenant, c'est pas mal. Ouais. Il y a également les toilettes d'avion. Donc, si tu es en avion et tu as besoin d'aller à la salle de bain, c'est un des bons endroits. Ils disent même que on a 100 fois plus de chances d'attraper un rhume en avion que quand tu es au sol. Hein? Oui. Ah oui. Et ils donnent un petit truc pour t'assurer de pas avoir le rhume. Ils disent de consommer un supplément de thé vert. La consommation de 400 mg deux fois par jour pendant 3 mois réduit d'un tiers les symptômes. D'un tiers? Oui. OK. 400 grammes, c'est ça? 400 mg. C'est combien ça? Tu sais pas? Non? J'en ai aucune idée. Mais une ça doit pas être de beaucoup. Temps, hein. Non. Mais c'est à peu près un demi-gramme. Donc. Wow. Mais okay. J'ai trouvé ça drôle un peu. Oui. Et la salle d'attente du médecin. Comme septième point, si tu veux attraper le rhume, va dans la salle d'attente du médecin. Souvent, ouais, c'est souvent là que tu trouves les gens malades, d'habitude. Ouais, ça a du sens. Ouais, donc c'est mon top 7 de faits, de top 7 comment avoir le rhume. Sortez de chez vous avec des gants et mettez-vous un petit masque comme les Chinois, non? Non, mais c'est juste peut-être de pas aller à l'épicerie, toucher le panier puis de se le mettre en face. Faites pas exprès, mettons. Ouais, ça, flattez-vous pas le visage après être allé à l'épicerie. Ou même mettre le doigt dans l'œil, là, ça vient tout gâcher. Ouais. Mais encore à l'épicerie, tu sais, toucher à des fruits ou toucher à des trucs comme ça doit être la même chose que toucher à un panier. Donc, tu sais, faut faire attention. Faites pas exprès. Achetez-vous comme dans ma chronique. Mangez des chips. Mangez des chips. Mais sûrement que le sac a été touché par quelqu'un à l'épicerie aussi. T'en peux. Oh là. Mais non, on pognera le rhume, c'est tout. Ça. À un moment donné, au nombre de fois qu'on pogne un rhume dans l'année, c'est pas si souvent que ça. Puis pourtant, on touche à tout. Ça peut pas être typique à ça. Un de plus, un de moins, dans la vie. Hein? Bon. Moi, je m'attendais vraiment à avoir beaucoup plus souvent le rhume en animant dans une station de radio avec une centaine d'animateurs et une seule mousse de micro et une seule console. Mais non, pas si souvent que ça. Donc, à un moment donné, tu t'es fait fort. Ah oui. La plupart des gens. Il y en a qui sont beaucoup moins fait fort et dans ce cas-là, peut-être que ces faits-là, ils doivent les retenir et nécessairement porter un gros habit de caoutchouc en tout temps. Merci, Marie-Pierre. Ben, de rien. Je riais pas de toi, là. Je riais de certains. J'espère bien. C'est ça. Je t'apprécie. Voilà. On va retourner dans notre palmarès anglophone parce que ça fait un petit bout qu'on l'a laissé depuis la fin de la dernière heure, la précédente heure. On était rendu aux positions 11 et 12. Tantôt, on entendra My Morning Jacket, mon manteau matinal, avec Holding On to Black Metal. En 12e position, c'est Ringo Death Star avec Imagine Hearts. À la vie de croisière, Hearts d'assemblage requis. Hearts! Ah, justement, faire ça sur le micro, c'est peut-être pas bon. Ça. Peut-être pas la meilleure affaire. Donc, je vais le refaire. Et je vais le nettoyer après. êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Vous écoutez La Vie de Croisière d'Assemblage Requis sur C'est Fou. Numéro 11. My Morning Jacket et Holding On to Black Metal en position numéro 11. Ça monte de 8 places. Et juste, et juste avant, c'était Ringo Death Star avec Imagine Heart. Heart! Voilà. Alors, on va passer tout de suite à un autre bloc de positions anglophones. Juste après, il va y avoir évidemment la chronique. Ben, pas juste après, plus tard, mais non. Il va y avoir, ça dépend tout le temps. C'est mon Fédibé avec sa chronique, le scout des internets. Aussitôt que ce sera prêt, parce que lui, là, c'est chaud, là, c'est tout frais sorti là, des différents tuyaux, de différents calibres de tuyaux qui composent l'internet. Mm. Internet, c'est une série de tuyaux. Hein? Bon. OK. Prochaine position, après ça, tantôt, il y aura Okkervil River avec Awake and Be Fine en position numéro 9, mais avant ça, c'est la 10e. C'est Black Lips avec Modern Art. Sûrement une des interventions les moins bien cousues qu'on a fait jusqu'à maintenant, que j'ai fait avec toi. Alors, on vient d'entendre Okkervil River avec Wake and Be Fine. Et avant, c'était Black Lips avec Modern Art qui monte de 6 places en 10e position. On continuera tantôt avec, entre autres, Atomic Baobab et Megaphonic Thrift. Mais avant ça, on se tape un bon petit bloc. Il était deux fois. Pensez deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire deux fois. Je te prends par surprise ou? Ben oui, tu me prends par surprise, puis Simon aussi, la face qu'il a fait, ça vaut un bon 8,50$. Ah, 8,50$? Deux fois, ça ferait un bon 17$. Ouais. Donc, il était deux fois. Faut expliquer ça à notre public de requins, évidemment, parce que les gens ne comprennent pas nécessairement l'idée du concept. Là. Toi, est-ce que tu comprends un peu? Ben oui, mais je sais pas si tu t'en viens. Ben, c'est ça. C'est comme deux fois, OK? Ça s'appelle « Il était deux fois ». Deux fois, OK? Le même, je dirais, « performer », en anglais, mettons, « performer »,« singer-songwriter », mettons. C'est deux chansons de même artiste. Donc, OK. C'est tout nouveau. Oui. Ça fait fureur. Évidemment, depuis qu'on a commencé ça, j'ai commencé à entendre dans d'autres radios et d'autres places des gens qui jouaient deux chansons du même groupe. Ça vient d'ici. Straight pipe. C'est toi, l'heureux papa de ce concept. I'm the daddy. Donc, on va entendre deux pièces de Radiohead sur leur album In Rainbows. Mm. Pourquoi pas? Que faire de mieux? Hey. Hein? Bon, donc, tantôt, on va entendre Jigsaw Falling Into Place. OK, mais on commence avec la pièce Reckoner de Radiohead, tout de suite, dans la vie de croisière d'Assemblage Requis. Brand new idea! as you take my hand, just as you write my number down, and just as the drinks arrive, just as they play your favorite songs, your belly disappears. No longer wind up like a spring before you had too much. Come back and focus again. The walls have been misshaped. They got a Cheshire cat grin, all blurring into one. This place is on a mission before the night out. Before the animal noises close to your cameras. Before you come but so. Deux pièces de Radiohead dans le bloc, il était deux fois de David Croisière d'Assemblage Requis. Ça, c'était sur l'album In Rainbows, les deux pièces, en fait. On vient d'entendre Jigsaw Falling Into Place, précédé de Reckoner. Voilà, pour le bloc, il était deux fois. Simple de même. Tout le mais combien efficace. Combien efficace, c'est ça l'idée. On va transitionner un petit peu subtilement à ta chronique, Marie-Pierre. On parle un petit peu de littérature. C'est donc la chronique littéraire de Marie-Pierre. Oh, tu mets les petites clochettes avec tes mains, c'est comme si c'est toi qui les faisais avec tes doigts. Hey, hein? Refais-le. Non? Ouf. Une fois, c'était assez, Mathieu. Pousse pas trop fort. J'ai tendance à tirer la sauce. Donc, de quoi tu nous parles aujourd'hui, Marie-Pierre? Je vous parle de Canto Kessi, qui est un recueil de poésie écrit par Gérald Godin. Gérald Godin. Oui, Gérald Godin, attention, poète de Trois-Rivières. Il est né à Trois-Rivières. Il a été journaliste au Nouvelliste. Il a été professeur, député du Parti québécois, ministre. Il a sorti des recueils de poésie, un roman. Donc, très actif dans les années 60-70. Et si ça peut vous dire quelque chose, il était le conjoint de Pauline Julien, qui est aussi né à Trois-Rivières. Oui, si je ne me trompe pas, c'est au-dessus du bord... Il y a un bar proche de la Violette, un peu étrange, sur dans un sous-sol. La Violette, c'est pas loin du séminaire. Oui, c'est dans un sous-sol un peu bizarre. Et bon, elle est née au-dessus de ça, je me suis fait dire. Ça devait pas être un bar à l'époque. Voilà. Je dis ça comme ça, là. Donc, Canto Kessi, ça a été écrit des poèmes qui ont été écrits entre 1962 et 1972, qui proviennent de plusieurs recueils de Gérald Godin, donc pigés un peu partout. Et c'est très intéressant parce que, bon, entre 62 et 72, il s'est passé des choses au Québec. Donc, je dirais tout simplement, c'était l'époque de la Révolution tranquille, la querelle pour le joual, l'indépendance, la volonté d'indépendance. Le peuple francophone a migré un peu, bon, comme on le sait, de la campagne vers la ville pour aller travailler dans les usines, donc était sous... avait des patrons anglophones le plus souvent. C'était les anglophones qui dirigeaient une grande part du marché. Et c'est ce qui les a apportés à la Révolution tranquille, vouloir contrôler l'hydroélectricité, les richesses naturelles, l'éducation et tout ça. Donc, c'est un peu dans la période de mouvement que ces poèmes-là ont été écrits, dans cette période-là de, d'ébullition au Québec, ébullition tranquille. Ah. Et il y avait la volonté aussi de décoloniser, donc de s'approprier son territoire, de ne pas se faire reconnaître comme soumis aux anglophones ou quelque chose comme ça. Donc, c'était l'époque, c'était comme ça. Et c'est à cette époque-là que le joual est arrivé. On a juste à penser à Michel Tremblay, ouais, qui est arrivé avec les Belles-Sœurs, avec le joual dans la pièce de théâtre. Sauf qu'il y a quelque chose qui différencie un peu le joual de Michel Tremblay du joual de Gérald Godin. Parce que Gérald Godin utilise le joual dans ses poèmes. Ce qui différencie, c'est que Michel Tremblay est plutôt dans le joual fierté, donc montrer une langue. Nous, on parle comme ça, voilà, avec exagération, on s'entend là. Mais Gérald Godin est plutôt du côté du joual de combat. Donc, c'est pas seulement montrer, oui, on parle comme ça, mais c'est de le mettre en opposition avec toutes sortes de langages. Puis c'est d'ailleurs ce qui est intéressant dans ce recueil-là, c'est que toutes sortes de les niveaux de langage se côtoient. Donc, par exemple, il y a des jurons, des sacres. Amplement. Okay, vous allez voir tantôt. Là. Peu importe la page que tu choisis, même si tu me demandes le chiffre au hasard, tu vas tomber sur une page qui a du sac dedans. Il y a des bonnes chances. Ouais. C'est au moins un. Là. Mais c'est ça, il va l'utiliser en adjectif, il va l'utiliser pour parler de quelqu'un, à toutes les sauces. En verbe, là, on s'entend. Également, ce qui est intéressant, c'est que c'est alterné avec un beau parler, un parler littéraire, donc un travail sur le langage. Pas que ça soit pas travaillé quand c'est du joual, parce que oui, il travaille pour que ça fasse, ça ait une sonorité, que ça véhicule un propos. Ça va avec le propos. Il y a aussi une alternance avec le français oral. Donc oui, il y a des sacres, oui, il y a du beau français, mais le français oral, donc des tournures parlées, achale-moi pas, je t'ai assez vu, une pomme pourrite, une couverte. Donc le langage que, bon, tu sais, tous nos grands-parents disent des couvertes, là, ouais, presque. Là. Donc c'est un peu tout ça. Et il y a également de création de mots, parce que quand il n'arrive pas à trouver un mot qui est assez puissant pour dire ce qu'il veut dire, il va en créer. Le meilleur exemple, c'est « British ton camp ». Bon, OK, c'était l'époque anglophone, oui, francophone. Donc, cette époque-là de la Révolution tranquille est présente dans le recueil, puis il joue avec le langage pour faire passer le propos. C'est ça qui est intéressant dans ce recueil-là, parce que, bon, c'est pas juste un recueil, il parle de ses émotions, il parle du Québec à l'époque, avec des mots du Québec à l'époque, en alternance avec le français. Donc, c'est tout un gros mélange de niveaux de langue. Et c'est ce qui est intéressant avec ce livre-là. Puis ça donne des poèmes qui sont très beaux et en même temps plein de violence. Donc, c'est pas juste de dire on veut pas être sous l'égide des Anglais, c'est de le dire avec des mots qu'ils vont comprendre, tu sais. Et tantôt, je t'ai demandé de piger une page, oui, au hasard. Et ça tombe bien parce que je suis tombée sur un poème qui montre bien ça, je crois. C'est la page 59 pour ceux qui s'intéressent. La page 58-59. Oui, je vais vous le lire. Ça s'appelle Cantouc à répondre. Le serin parle chinois, le mur tend l'oreille. Je ne sais rien de tout cela, le calendrier s'en doute un peu. Grevis s'ouvrait tout seul à la bonne page, poste mes lettres et le néant. Paie bien tes dettes avant d'aller au bout de la ville où qu'elle amène. Tout est laid, il pleut des clous, sur un Noël abasourdi. Le papier jaune et le Larousse, un parapluie crie qu'il se noie. L'acte d'union est un salaud. Le curé court de ferme en ferme, extrême onctionnant et baptisant d'un même geste sans virgule. L'acte d'union est un salaud. À la conquête, on a perdu. Le cheval dit qu'il en a marre de s'entendre toujours parler. À la conquête, on a perdu. Carisse d'ondelle avant carisse des autres. Le taxi attend les jaunes. Faut bien qu'il vive lui aussi. Entre pauvres, aidons-nous donc. Carisse d'ondelle. Attention, censuré. Oui. Watch Twist, c'est un Christ de tabarnak. L'hiver, il bûche dans le bois. L'été, il pèle le fumier. La fin de semaine, il prend un coup. Watchtway, c'est un crise de tabarnak. J'ai pas pu finir mon cours. Le travail, c'est la liberté. J'ai une femme et deux enfants. La liberté, le soir tombé. J'ai pas pu finir mon cours. Watchmoi, je suis un crise de tabarnak. Donc, on voit à travers ce poème-là un peu de tout. On voit la situation au Québec, on voit le langage utilisé, on voit tout ça. Et ça, c'est à travers tout le recueil. Moi, c'est un recueil, on peut dire ça, un recueil coup de cœur. En tout cas, assez pour faire un projet à l'école avec ce recueil-là. Oui. Donc, je vous le conseille fortement. Cantouc et si de Gérald Godin, poète de Trois-Rivières. Et ça, facile à trouver dans toutes les librairies. Probablement, Clément Morin, ils l'ont. C'est un livre qui est assez récent, 91. On s'entend. Relatif. Hein? À peu près 20 ans, mais c'est pas si vieux pour un livre. Mm-hmm. Donc, Cantouc ici. Et je vous mets la référence sur le Facebook d'Assemblage Requis. Oui, ça pourrait faire un beau roman sur le langage que les gens utilisent sur Facebook. Oh! Pourrait s'en inspirer. Mais je vais vous l'appeler, OK? Pour ceux qui ne sont pas accro à Facebook. Cantouc, CANTOUQUES, en un mot, et si, CIE. Voilà. Tout simplement. Merci, Marie-Pierre. Ça fait plaisir. Très bonne suggestion. Comme toujours, longue liste de lectures pour vous l'été. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'Assemblage Requis. Tout à l'heure, on va parler avec Simon Fitzbay pour sa chronique Le Scout des Internets. Mais avant ça, c'est déjà le moment de se terminer cette deuxième heure qui a donc passé vite ici sur les ondes de CIFU 89.1 FM. On va se retrouver tantôt pour une troisième heure. On va entendre aussi les positions du palmarès, c'est-à-dire, entre autres, Ostra, Enjoy Your Pumas, Mother Mother, The Megaphonic Thrift. Alors, restez. Nous, on va se baigner un petit splouche. Ah, oh, c'est beau. C'est de joie, ça, un petit splouche. On va aller splouche. On va inventer des mots, nous aussi. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Troisième heure de la vie de croisière d'Assemblage Requis en direct du SS Requis, notre merveilleux bateau qu'on a loué pour l'été. Et elle, c'est Marie-Pierre Laforge-Bourret. Et lui, c'est Mathieu Plante. Lui, la chose, là. C'est Mathieu Plante, là. Est-ce que c'est juste moi là-dedans ou tu sais, des fois, votre copine ou copain-copine, non, dépendant de quel bord, hein, se met à chanter une chanson vraiment mauvaise, tu sais, genre qu'elle a entendue dans une radio concurrente. Puis là, à un moment donné, elle la chante tellement souvent qu'elle est obligée de dire veux-tu chanter d'autres choses, s'il te plaît? Puis là, elle promet, ça arrive-tu, ça, non? Oui, souvent. Ouais. C'est plate, hein? Tu te sens mal, m'a demandé, c'est parce qu'elle arrête de me chanter I wanna dance with somebody. I wanna dance with somebody. Je suis tanné de l'entendre. Mm-hmm. Ouais. On dit que tu sors ça vraiment de nulle part. Anecdote, c'est ça, c'est une tranche de vie présentée par moi-même. Par Mathieu Plante. C'est ça. En fait, j'attendais que la chanson finisse pour pouvoir transitionner plus subtilement vers la chronique de Simon. On aurait dû s'en douter. Voici le scout des internets. Hein. Scout des internets. Scout des internets. Assez subtil, en effet. Donc, Simon Fitzbay qui arrive en studio via les tubes remplis de minets. Oui, les tubes remplis de chats. Parce qu'on sait, l'Internet, on l'a dit combien de fois, c'est une série de tubes. Avec des chats dedans. Parce que les gens vont voir ça sur Internet. Mm-hmm. Des t-shirts. Et il y a aussi des livres de face, là, maintenant. Des livres de face, c'est ça. Ouais. Ils checkent des faces. Qu'est-ce que tu disais? YouTube, des tubes de chats. Des miaou-tubes, ça pourrait être pas comme ça. Il y a un genre de site social pour les chats et pour les chiens. Je ne me rappelle pas du nom, mais c'est comme un genre de site où tu peux inscrire ton chat et puis là, aller voir d'autres chats puis coter les autres chats. Puis c'est freak! Ew. Ouais. C'est la petite madame là, qui aime les chats là, que tout le monde a vu sur YouTube. Là. Tout le monde a vu ça. Ah oui. C'est qui tripe ses chats. Ah, les chats, j'aime ça. Je vais les prendre puis les coller. Toutes les chats, mais je peux pas y en avoir. Ouais. Il y a une parodie qui a été faite de ça par Chad Vader. C'est la série Blame Society. Pas la série, mais la série Chad Vader, en fait. C'est Blame Society, qui est une compagnie de production qui fait des vidéos sur YouTube. Et Chad Vader, en fait, serait le frère de Darth Vader, mais il serait un gérant d'épicerie. Ah. Puis, ils ont commencé à faire justement des copies de ces vidéos virales-là. Et là, Chad fait son application à eHarmony où il parle des chats. Avec la voix de Darth Vader puis le casque. C'est très, très, très, très drôle. Faut que j'aille voir ça. J'aime ça, les chats. Mais c'était drôle, la vidéo de la fille qui pleurait parce qu'elle aimait trop les chats. Oui, c'est spécial. T'espères que c'est une blague. C'est ça, est-ce que c'est faux ou pas? Parce que je veux dire, quelqu'un a pu enregistrer cette vidéo-là quelque part ou se la procurer d'une façon ou d'une autre. Mais comment est-ce que la fille l'a elle-même enregistrée sur son ordinateur et conservée? C'est pas qu'elle voulait... c'était pas pour un vidéo rencontre ou quelque chose comme ça? Oui, c'est ça, c'était pour eHarmony. Elle a l'air de se présenter, mais... Ouais. Ça a peut-être été enregistré sur le site de eHarmony et ensuite distribué. Peut-être. Bref, pas là pour faire faire le tour des vidéos viraux parce qu'on est à la radio, c'est un petit peu difficile. Mm-hmm. Quoique je l'ai fait souvent, puis ça a toujours été un échec total. Mais Simon nous parle des nouvelles technologiques de la semaine. Donc, qu'est-ce qui se passe dans différents domaines? On sait que Google et Apple font quelque chose, pas mal sûr. Mm-hmm. Oui, mais c'est pas si pire. On s'éloigne un peu de ça pour mieux y revenir d'une autre façon. Ah, d'accord. Mais je vais commencer par un tour de force pour ma langue. Guglielminetti. Oui, Bruno Guglielminetti. Je suis capable de le dire maintenant. Sur son carnet, nous attire en fait sur le potentiel départ des YouTube et ainsi que des autres trucs comme Vimeo et Netflix qui sont disponibles bien sûr au Canada et qui pourraient éventuellement peut-être être non plus disponibles au Canada à cause du gros méchant CRTC qui a fait quand même la super bonne job pour ce qui est de la télé et de la radio. Bon, on les salue parce qu'on les apprécie énormément. Oui, en tant que c'est nos amis, c'est comme nos anges gardiens. Oui. Oui. Et le silence n'était pas awkward, là, c'était juste chercher le bon mot. Et donc. Je voulais en créer un encore plus inconfortant. Nos anges gardiens. Mm-hmm. C'est lui le critique. C'est le CRTC, mais moi je les appelle critique parce que je suis. Donc. Et donc, oui. On pense peut-être. En fait, on est en audience pour savoir qu'est-ce qui va arriver au niveau de. C'est-à-dire la possibilité d'avoir accès à YouTube, Vimeo, Netflix et autres sites de diffusion de vidéos. On a ouvert, en fait, cette table pour recevoir les points de vue de divers protagonistes de différents trucs qui ont rapport avec les vidéos. Voilà. Il y a un premier groupe qui sont très heureux de cette statu quo, c'est-à-dire qu'on fait rien, on touche à rien de ce qu'il y a sur Internet. C'est-à-dire, eux, c'est Google, Apple, Netflix, l'ONF et compagnie, qui, eux, sont bien d'accord à ce que ça reste comme ça, puisqu'ils voient pas vraiment de concurrence. Le second groupe, cette fois-ci, c'est l'association qui représente les créatifs qui disent que l'offre que YouTube, entre autres, et Netflix, fait mal à la production canadienne et des films de télévision. Oui, donc, mais là, déjà que YouTube et tout plein d'autres sites de stations de télé, entre autres, barrent les gens qui sont pas aux États-Unis, il me semble que c'est ça la solution, non? Ouais, c'est d'empêcher le contenu américain au lieu de forcer les gens à avoir que du contenu canadien, voyons. Et de toute façon, YouTube sont pas très très forts sur le fait de laisser les émissions réseau, les émissions... Ils les enlèvent le plus vite possible. Parce que c'est beaucoup de droits d'auteur qui sont bafoués. Et également, justement, ça fait une concurrence illégale. Et YouTube, dans le fond, c'est pour les gens, les gens qui mettent leurs propres vidéos, pas des vidéos de films. Ça arrive qu'il y en a, mais ça dure vraiment pas longtemps. Tu sais, dans le temps, on pouvait aller chercher une émission de télé qui venait de jouer le jour d'avant. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, tu fais ça, puis ça fonctionne pas. C'est très bien caché, sinon. C'est ça, j'ai déjà vu des émissions sectionnées en quatre parties. Mais en ça dure parties. Un peu de temps, puis après ça, la personne qui possède le droit d'auteur va aller demander à YouTube de l'enlever, puis là, YouTube, ça glande pas. Pas plus d'un mot ou deux avant que ça soit enlevé, généralement. Et il y a un troisième groupe aussi. C'est le représentant des télédistributeurs par câble ou par cieux. Hein, c'est beau comme formulation de phrase, M. Guglielminetti. Et les autres, ils sont là pour faire valoir le mérite de la déréglementation. C'est-à-dire qu'on enlève encore plus d'interdictions, entre autres le géoblocage et des trucs comme ça. Ils sont tous là, c'est-à-dire VTVA et tout, sauf Bell, qui est propriétaire, entre autres, de CTV et RDS, sont plus nerveux à l'idée de voir l'offre de vidéos canadienne être concurrencée par l'offre extérieure des pays. Entre autres, on pourrait dire RDS, qui fait payer les gens pour écouter le Canadien en ligne. Il est là pour avoir une concurrence de, je crois, c'est NBC ou CBS, qui est diffuseur aux États-Unis, qui on pourrait voir donc gratuitement sur leur site Internet, disons, si on enlève le géoblocage. Ouais. Mais sinon, les grands réseaux sont pour ça. Ils veulent en fait, leur site Internet, généralement, diffuse déjà de la télévision. Il y a encore Vidéotron, mais TVA, qui font payer, je crois, pour pouvoir avoir accès à leur TVA, c'est si t'es abonné à Vidéotron, quelque chose de genre, tu les as, ouais, les suis. Ouais, ça, c'est un peu, en tout cas. J'ai pas ça. Mais non, moi non plus. Et bien content. Mais c'est... quand même, c'est intéressant de voir comment ça va se dérouler dans le futur, surtout avec ceux qui, justement, bloquent l'accès ou font payer l'accès, puisque, bon, il y a TVA avec Tout.tv, c'est pratiquement... en fait, c'est gratuit. Et si les gens, donc, de l'industrie sont déçus ou ont peur, ils ont juste à produire plus de matériel. C'est surtout ça qui est important. Et bien, si jamais aussi c'est bloqué, vous pouvez tout simplement donc passer de façon pirate, et tout le monde va le savoir assez rapidement. C'est tout simplement de changer de proxy. Changer de proxy, c'est changer l'adresse de votre ordinateur pour faire croire que vous êtes êtes aux États-Unis. Compliqué pour rien. À la place, je vous donne un beau petit conseil, si je peux me permettre d'enquêter sur ton territoire. Hotspotshield.com. Ouais. Hotspotshield, ça fonctionne sur Windows et Mac, pas sur Linux, mais toutes les versions de Windows et de Mac, ou presque. Vous installez ça, un petit bouton apparaît dans votre barre des tâches ou dans votre truc sur Mac. Là. Et puis, vous cliquez, vous le mettez sur On, d'accord? L'icône change de couleur. Et puis là, soudainement, vous êtes aux États-Unis. Donc, vous allez sur tous les sites comme Hulu, Netflix, US, n'importe quoi. Pas besoin de passeport. Rien du tout. Et après ça, quand t'as terminé, tu déconnectes, tu le fermes, puis t'as pu avoir l'icône qui est affreusement laid. C'est pratique. Hotspot Shield. Vous êtes vraiment rebelle. Ben oui, c'est incroyable. Mais c'est ça, mais c'est plate. Tu vas sur le site d'une station de télé. L'émission est diffusée aussi au Canada, mais il va falloir que tu ailles sur la version canadienne du site, qui, elle, n'a pas encore l'émission parce qu'ils sont super en retard. Là, tu vas aller sur la version américaine pour la voir. Eux autres, ils l'ont, mais c'est pour la regarder parce que ça dit que vous êtes au Canada. Et les vidéos exclusives aussi, bien souvent, ben oui. de ces sites-là, on ne peut pas les voir, ce qui est aussi dommage. Tout à fait. Donc, maintenant, on parle de, bien sûr de Gmail, cette fois-ci, qui veut aider à hiérarchiser les courriels. C'est-à-dire qu'on va encore aller jouer avec les modalités de Gmail, ouais. De votre boîte courriel. Donc, vous allez pouvoir... En fait, c'est pas la première fois en fait, que Google offre ces trucs-là. Et pour aider à organiser, en fait, il va y avoir plusieurs nouveaux modèles de boîte de réception qui vont être mis à la disposition des gens. Et les gens vont décider qu'est-ce qu'ils veulent utiliser. C'est bien. Oui, ça, c'est intéressant. En fait, j'ai aussi peur qu'on fasse voter et qu'on se retrouve juste avec quand même un seul modèle unique à la fin qui va être choisi par la plus grande majorité. Mais Google, d'habitude, sont assez paramétrables. Tu peux quand même changer. Ouais. C'est juste dans Gmail, le nombre de labs là, que tu peux avoir. Et puis, est-ce que... Ça a dû faire mal, ça, Simon? Pas du tout, c'est mon pied. D'accord. Est-ce que tu as vu le nouveau look présentement de Gmail? Ouais, l'interface est jolie, rouge et gris. Et, ouais. C'est le fun, j'aime ça. Ça ressemble à un des skins qui était disponible pour Gmail. On dirait qu'ils sont inspirés un petit peu du look de quelqu'un d'autre. Mais bon. Mais on peut faire des téléphones avec Gmail encore. Oui, c'est génial. Et puis, le nouveau look commence à être appliqué à d'autres services. Le Calendar a déjà un nouveau look. Puis sûrement que les autres, ça sent bien. C'est vraiment génial. C'est bon. Donc, au mode classique, justement, viennent s'afficher, entre autres, les boîtes prioritaires où les messages non lus et importants apparaissent en premier. J'ai essayé ça, j'aime pas Bumas. Non, t'aimes pas ça? J'aime pas ça du tout. Ben, parce que c'est comme lui qui détecte qu'est-ce qui est prioritaire ou qu'est-ce qui l'est pas. Ah ouais, ça c'est pas nécessairement... Tu peux le monter d'une coche, descendre d'une coche, dire celui-là, il était pas prioritaire vraiment, mais je vois pas vraiment. Franchement, ça c'est peut-être pas... Pour ceux qui reçoivent des centaines par jour, peut-être. Ouais, effectivement. Ouais. Et ça se peut classifier et hiérarchiser le spam aussi. Ah bon, mais ça. Et puis, pouvoir dire à quel niveau je déteste le spam, je le déteste à un niveau 1. C'est un niveau. Hein. Celui-là, je ne veux vraiment pas l'ouvrir. Lui, je peux le tolérer. Je veux avoir plus de courriels qui me disent comment avoir du Viagra gratuitement ou peu importe. Plus de courriels avec des chiffres et des lettres à la place des chiffres à la place des lettres. Ouais. C'est comme ça qu'ils passent à travers les filtres. Ou Nikita send you a message on Facebook. Ouais, c'est quoi aussi qui est votre héritage de 2,5 millions de dollars vous attend là-bas. D'un Africain quelque chose qui veut. Incroyable. On aime ça. Maintenant, on passe à Google+, en passant notre Gmail à on Google+. On passe de Google à Google, finalement. Ouais, c'est ça. Mathieu, est-ce que tu as eu ton invitation pour Google+? Pas encore. On en parle depuis 3 semaines. Je suis pas sur Gmail. T'as pas fait encore de... Mais t'as vu qu'ils ouvrent de façon assez régulière. Sporadiquement, oui. Mais je connais quelqu'un qui a reçu une invitation. Ah oui? Est-ce qu'il s'en sert? Cette personne-là est cool. Hein? Cette personne-là est cool. Chanceuse. On va aller la frapper pour avoir une invitation de plus. Ben, une fois qu'elle l'a, est-ce qu'elle peut nous donner des invitations à d'autres gens? J'en ai aucune idée. Hey, c'est ouvert présentement Google+. Vous pouvez y aller. Moi, est-ce que c'est lui? Oui. Moi, ça me dit qu'ils sont temporairement hors capacité. Ah, moi, ça fonctionne. Donc, je vais aller immédiatement. T'es peut-être sur Gmail Canada, dans ton compte Google? Tu vois, ça vient de me refuser. Ah, finalement. Ben non, je te l'avais dit. C'est incroyable. Mais, non, mais ça a ouvert en fin de semaine, entre autres. C'est Bruno Guglielminetti encore. C'est Bruno Goug. C'est mon idole en tant que scout des internets. Ben, c'est l'idole de tous. C'est le grand chef. Il disait que justement, c'était ouvert en fin de semaine. C'est sur Twitter qu'il a dit ça. Et ça faisait peut-être 7 minutes qu'il avait écrit ça. Et je suis allé sur le site et c'était déjà fermé. Donc, il faut vraiment être extrêmement rapide sur le piton et aller voir. Et là, je suis vraiment déçu parce que je ne veux pas rester. Je pense pas rester sur Google+. plus, mais je veux voir qu'est-ce que ça a l'air pour pouvoir en parler, faire une chronique. Oui. Et là, ben, c'est il faut c'est au moins ça. Que tu aies une certaine présence sociale sur Internet. En Twitter compte pas. Ben oui, ça compte. Ça franchement, compte. Ben moi, oui, les 60 abonnés que j'ai lisent mes billets, je suis convaincu. L'autre fois, j'étais sur un site où ils te donnent un bonus ou une prime si jamais tu as un certain nombre de followers, de suiveurs sur Twitter. Et puis, je vais voir sur mon Twitter et je me rends compte, Colin, j'ai comme 175 personnes qui me suivent. Comment t'es chanceux, c'est comment le pouvoir ça? De la radio et d'animer les émissions quotidiennes. Ou des spams de quelqu'un, j'ai bavé en disant spam. Bon, on soit beaucoup de en fait, ça c'est vraiment dommage, en fait, sur Twitter, c'est que t'as tellement de compagnies qui te suivent, etc., ouais. qui veulent juste avoir tes informations, dans le fond, et tes goûts pour pouvoir faire un modèle de ce que t'es et ensuite t'envoyer de la pub. C'est un peu ordinaire. J'aime pas okay, ça. J'ai une drôle de question, OK? Oui. Je ne suis pas sur Twitter. Est-ce qu'il y a des pubs comme sur Facebook? Non. Non, OK. Ben, en fait, ça dépend. Si tu suis des compagnies, tu peux avoir des pubs. Ouais. Il y avait eu un modèle, en fait, proposé où il y aurait des tweets pubs. C'est-à-dire que... entre deux tweets normaux. Ouais, t'aurais une pub d'une compagnie. Mais ça a une couleur différente. Exact. Mais ça n'a pas encore été mis en place. Moi, j'ai pas vu ça. Jusqu'à maintenant, non. Et probablement, ça va être fait un de ces jours, là, mais... pas pour le moment. Ce qui arrive souvent, c'est comme des fois, tu achètes un produit, puis encore une fois, tu peux avoir un bonus si tu tweets quelque chose. Donc, des fois, ça m'arrive de tweeter une pub parce qu'ils me l'ont demandé, puis après ça, ils vont, eux, checker dans tes tweets, puis là, ils te renvoient le lien vers ton téléchargement gratuit. Ah, ouais. C'est de la pub que les gens aiment pas, mais j'ai fait parce que c'est tout ce que je fais sur toi. Ça peut être intéressant. Ouais. Moi, j'aime bien. Bref, Google Plus, qui aurait près de 10 millions d'utilisateurs maintenant et 10 millions sans moi parce que j'ai pas été capable de me connecter. Je suis très, très déçu. Mais donc, près de 10 millions. Et c'est en fait Paul Allen, fondateur de Ancestry.com, qui a fait cette recherche, en fait, qui a estimé ce chiffre-là, puisqu'il a fait, il s'est basé sur une cohorte de noms, une centaine de personnes, donc les noms de famille les plus populaires aux États-Unis, pour estimer à peu près le nombre d'inscrits à Google+. Si on se fie à ces calculs, eh bien, depuis le 28 juin dernier, Google+ aurait donc gagné à peu près 1 million d'utilisateurs chaque jour. Il devrait atteindre le 20 millions d'ici la fin de semaine. Ça va bien. Oui. D'ici après-demain. Oui, exactement. Voilà. Donc, on parle de plus de 10 millions pour le moment, bien sûr, là, mais quand même, c'est assez surprenant. Oui. Oui. Je sais pas comment les gens font, alors que nous, à chaque fois qu'on y va... On essaie d'y aller, puis ça marche pas. Là, je... Des niaises? Ça donne quoi de créer une espèce la de... page. Et non, ça fonctionne pas. Non. Malheureusement, j'ai essayé avec différents furteurs. Hein. Dites-vous pas que si vous utilisez Chrome, que ça va aller plus vite que si vous utilisez Safari ou Firefox. Ça aurait été une bonne idée, par contre. Ouais, Google ouais. aurait pu permettre aux gens qui ont leur furteur Chrome d'installer, d'accéder à Google+. J'ai changé tous mes paramètres pour voir s'il y avait des différences. Et non, malheureusement, rien ne change. Mais tu vois, je pense que ce qu'ils veulent faire, ça fonctionne. C'est pas un ouais. peu d'entretenir la curiosité. Oui, exactement. Ça fait de la pub incroyable. Des vrais je vois, tu veux tellement y aller, fait que tu en parles, puis là, tu en parles. Là, tout le monde connaît ça. Ça fonctionne. Ça et fonctionne. Entre autres, ils ont donné une invitation à Mark Zuckerberg aussi ouais. pour faire de la publicité et ça fonctionne. Énormément. C'est incroyable. Pendant ce temps-là, par contre, Facebook a 750 millions d'utilisateurs. Ouais. Mais ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils sont là, par contre. Ça fait à peu près 100 millions par année. Ça fait 7 ans que Facebook ouais. existe. Ouais. Quand même. Mais depuis l'an dernier, il y a 250 millions de personnes de plus que l'an dernier sur Facebook. Ouais. Ça, c'est assez fulgurant, par contre. C'est presque exponentiel. Hein? 500 000 personnes par semaine. Wow! C'est spécial. Et donc, on dit par contre que le vice-président de l'ingénierie de Google, Vic Gundotra, voilà. Gun. Ouais, Gun. Ouais. Vic Gun. Yeah. Big Gun. il a indiqué en fait qu'il y a beaucoup de critiques qui sont faites par rapport à Google+. Ils écoutent, ils vont travailler à partir de ça et c'est pour ça peut-être que la version bêta va rester bêta un peu plus longtemps. Ouais. Nouvelle et solide cette fois-ci, un type a été mis en prison pour plus de 18 ans de prison à cause qu'il a piraté le Wi-Fi de ses voisins. Non! Oui. 18 ans de prison? Oui. Ben voyons donc! C'est assez incroyable. Pour pirater du Wi-Fi, c'est n'importe quoi. Ben est-ce qu'il téléchargeait genre 80 gigs par jour? Non, mais je pense pas que ça soit ça en fait. C'est qu'il a fait entre autres des menaces sans parler pas bien avec ses voisins. C'est pour ça qu'il a fait ça. Il s'appelle Barry Aldoff et il a entendu en fait les témoignages de ses voisins qui disaient qu'il a commencé en vouloir à ses voisins. Il s'est transformé donc en boule de colère. Il a fait une campagne de terreur calculée contre eux. Et donc, ça a commencé en 2008. C'est quand ses voisins sont arrivés dans le quartier et ils ont été emmenés à le dénoncer parce qu'ils avaient pris leur fils de 4 ans dans ses bras pour l'embrasser sur la bouche. Donc, c'est un peu normal que tu fasses ça. Et en guise de représailles, donc, il a piraté le réseau Internet sans fil de ses voisins et a créé des fausses adresses électroniques pour envoyer des messages osés, des photos pornographiques infantiles ici aux collègues de bureau de ces voisins-là. Le père de famille donc qui était le père du fils de 4 ans. Il a ensuite envoyé des courriels menaçants au vice-président américain Joe Biden. Toujours sous le nom de... et le gars s'appelle Matt Kostolnik, donc qui est le voisin père d'un gars de 4 ans. Qui a permis aux enquêteurs donc de trouver le pirate. Mais ils ont commencé par enquêter sur le type, donc ce qui est assez incroyable. Et donc voilà, 18 années de prison pour avoir volé. Dans le fond, c'est un vol d'identité par Wi-Fi. C'est ça. C'est incroyable. C'est spécial. Oui, mais de là l'importance de protéger vos réseaux Wi-Fi. Et voilà, avec des chiffres et des lettres, et pas des mots en passant. Non, et c'est la chose que mon voisin de je sais pas où fait pas. J'ai un D-Link dans mes... On l'apprécie quand même, quand ça arrive. Ouais, c'est que, ouais, quand il y a comme une dans le fond, un problème de priorité d'ordinateur qui a accès à mon réseau, mais là, je peux aller ailleurs. Cool. Voilà. Est-ce qu'on prend une petite pause avant de continuer? Non, on peut toujours, mais en fait, il reste vraiment pas grand-chose. Ben, il reste deux nouvelles. On va parler, entre autres, des mobinautes aux États-Unis. On dit 25% des mobinautes. Est-ce que vous savez c'est quoi, des mobinautes? Ça, c'est des internautes mobiles. Hein, ils vont sur Internet, sur leur portable. Exactement. Sur leur téléphone. Quand j'ai dit ça au début, je pensais que c'était genre des marionnettes pour enfants, des trucs comme ça, mais non. Les mobinautes! Oui. Oh, c'est bon, ça. Ou ils vont dans l'espace. Genre des astronautes. Oui. Astronautes. Exactement. Ben, c'est les gens qui ont Internet sur leur téléphone mobile et on dit que 25% des mobinautes surfent plus sur leur téléphone portable que sur leur ordinateur. On dit au total 87% des possesseurs de téléphones intelligents s'en servent pour consulter leur courriel ou accéder à Internet. Facebook. Oui, Facebook surtout. Les deux tiers, à peu près, y vont tous les jours et une part importante, 25%, utilisent leur téléphone comme principal outil de connexion Internet. J'ai de la misère avec ça. Je connais du monde qui vont sur Internet quasiment seulement sur leur téléphone portable. J'ai de la misère à voir parce que c'est tellement difficile, je trouve, de teindre... Comment dire ça? T'es immergé. Mais en fait, c'est quand ils sont sur ça, t'existes plus. T'sais, ils l'ont juste dans leurs mains. Ouais, puis, c'est ça. Ouais. C'est à côté, mais tu sais... Ils jouent à Internet sur leur C'est vraiment plate. C'est le portable va tellement mieux. Ouais, c'est ça. Ouais. Va sur Internet quand t'es chez vous. Puis quand tu vas. Tu sais, regarder une fois de temps en temps, ça va, mais tu sais. Tu peux t'acheter un micro portable, tu sais. Ouais. C'est ça. Une tablette. Une tablette aussi, ça peut être intéressant. Mais c'est en fait qu'on dit que certains, dans ce 25%-là, 10% des gens n'ont pas Internet chez eux. En fait, c'est pas 10%, non, c'est pas vrai. On dit que 10% de tous les propriétaires de téléphones portables vont sur Internet avec ça. Encore plus régulièrement et 8% sont des adultes, donc il y a encore plus de jeunes qui y vont. Le chiffre en fait sur l'utilisation d'Internet à bande passante, je le cherche rapidement là-dedans. Bref, on dit c'est que dans ces 25%-là, il y a une grande majorité qui n'ont pas Internet nécessairement chez eux en sûr, Wi-Fi ça, ou peu importe, qui vont l'utiliser donc en 3G ou dans les places publiques. Sauf de l'argent quand même, t'économises là, quand tu prends pas Internet à la maison et tu l'as sur ton téléphone. Non, ça je peux comprendre. C'est maintenant en plus aux États-Unis, t'as les meilleurs bargains, les meilleurs forfaits, voilà, pour le 3G. Donc ça peut être intéressant d'y aller selon le téléphone. Et c'est ça, c'est le tiers de ces 25%-là qui n'ont pas une connexion à large bande à la maison. Ça va aller plus vite de prendre le 3G. Donc, une connexion mini, là, par exemple, là, genre que ça va très, très lentement. Ouais, par téléphone encore. Je ne sais pas s'il y en a encore pour tout le monde. Ouais, il n'y a pas normal. Je l'avais il n'y a pas si longtemps. Oui, c'est vrai. Tu étais récemment dans le monde de l'Internet moyenne haute vitesse. Non, en fait, on l'a annulé chez ma mère. Ah, on l'a juste enlevé. Complètement, elle n'avait pas besoin de ça. Il y a des limites à la lenteur. Maintenant, avec Internet, il demande tellement plus de place pour s'installer sur ton ordinateur. Et finalement, donc le App Store d'Apple. J'avoue que c'est quand même confus parce que t'as le Apple Store qui est le magasin physique où les gens vont acheter des ordinateurs, t'as le App Store qui est le magasin de logiciels sur le Mac, donc le portable, et t'as le iTunes App Store qui est dans iTunes et qui te permet d'acheter des applications pour un téléphone portable, un iPhone ou un iPod Touch. Donc c'est un peu beaucoup. App Store, iTunes Store, et puis Apple Store. Mais ils n'ont pas l'exclusivité du nom, c'est ça qui est bien. Ah, ben Colin, ouais. Et bien donc, ils ont atteint 15 milliards de téléchargements c'est cette semaine. Donc, 200 millions de propriétaires d'iPhone, d'iPad et d'iPod Touch qui ont téléchargé ces 15 milliards d'applications-là, ce qui est assez incroyable. Mathieu, tu dois faire partie de ça. Ouais, ben je regarde, j'ai téléchargé, je t'avais déjà parlé de ce logiciel-là, je ne me rappelle pas du nom, mais je vous le trouverai tantôt. Mais le logiciel qui vous permet de voir combien vous avez dépensé d'argent sur Apple jusqu'à maintenant. Ah oui! Est-ce que je l'ai ici? Est-ce que tu paies pour avoir cette application-là? Non. Qui te dit? Heureusement que non. C'est rendu loin, là. Est-ce que je l'ai? Je l'ai pas. En tout cas, je t'ai rendu à comme 150$ depuis que j'ai un iPhone. Ça fait au moins 2 ans et demi, 3 ans. J'étais à 99 sous depuis aujourd'hui. Wow. J'ai acheté une tonne tantôt. C'est App Store Expense Monitor, le nom du logiciel. Eh bien. Voilà. Donc, une application intéressante. Oui. Et on dit en seulement 3 ans, le révolutionnaire App Store est devenu le magasin de logiciels le plus intéressant et le plus couronné de succès dans le monde, le plus couronné de succès que le monde n'a jamais vu. Et ça, c'est Philip Schiller, vice-président d'Apple, qui a dit ça. Bien sûr, lui est comme en prosternation devant son magasin. Il y a 425 000 applications, ou moi j'aime mieux dire programmes, 425 000 programmes destinés aux appareils d'Apple, voilà, qui se retrouvent sur le App Store. Et voilà. Eh ben, c'est beaucoup. C'est quoi ton application préférée, toi, Mathieu? Sur le tout. Quand une bonne question. Mettons dans les gratuites. Dans les gratuites? Ouais. Tu m'en demandes une motadine de bonne, là. Je sais pas quoi te répondre du tout. Qu'est-ce qui est gratuit? Parce que des fois, tu payes sur le bouton, puis tu sais pas si c'était gratuit. Ouais, c'est peut-être. Angry Birds? Angry Birds? Non, moi, j'aime mieux Cut the Rope. C'est payant, Angry Birds, par contre. Ouais. Mais c'est une belle. Non, mais à ce qui paraît, c'est très le fun, juste pas dépenser pour l'acheter. Mais à ce qui paraît, c'est vraiment. Il y a un truc d'essai, je pense, gratuit. Ah, ça se peut très bien. Mais j'ai ouvert mon App Store. Des applications que j'ai téléchargées que j'aime vraiment beaucoup, entre autres Brightness, que j'aime vraiment beaucoup. C'est une application qui vous permet de descendre la luminosité de votre portable en plus bas que ce que l'ordinateur te permet. Ah, donc ouais. Quand t'es dans ton lit, tu peux pas réveiller ta copine. C'est ça. Sauf que ça me dit pas les prix. C'est 99 cents, ça. Donc, ah, ben c'est pas pire. Faut que t'ailles sur la page de choses. Sinon, qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Je vais y aller rapidement avec quelques-uns, tiens, pourquoi pas. iRingtones, pour faire des ringtones, j'aime bien ça, je pense. C'est pas mal à faire. Bowtie. Pour montrer le CD qui est en cours de lecture sur ton desktop, sur ton bureau. Tu peux mettre dans le coin que tu veux, ça va te montrer, il y a des skins et tout, tu peux voir le CD ou un vinyle dedans, et puis ça va te marquer en coin, mettons, le nom de la pièce, puis tu peux le tasser de coin en coin, puis il va tout le temps prendre le coin de ton écran. C'est super joli. Ah, bon, c'est fun. Voilà. J'ai une question. Oui. Est-ce que c'est déjà sur, mettons, le cellulaire, ou si ça se télécharge, c'est une application qui fait des ultrasons? C'est une très bonne question. Parce que je m'étais déjà fait... Des ultrasons? Oui, ben sur un téléphone ou... C'est peut-être le iPod Touch. Touch? Mais il y a une option, tu pèses dessus et il y a des personnes qui entendent l'ultrason et d'autres que non. Hein? Ah, ouais. Ah, tu vois, c'est très possible. Non, mais ça se peut, il y en a tellement que... C'est vrai possible. Ouais, mais je peux pas dire, en fait, je suis pas assez connaisseur des téléphones et iPods Touch de ce monde. Mais donc, finalement, ben moi, ma préférée, c'est simplement SoundCloud. Voilà. OK. SoundCloud. De la bonne musique gratuite. Ouais. C'est celui qui permet d'écouter quelque chose et puis comme Shazam, non? Non, SoundCloud, c'est en fait c'est les gens qui mettent leur musique là. Il y a des groupes, entre autres Sigur Rós, qui mettent leur musique là-dessus et des trucs comme ça, des groupes très connus. Et Beastie Boys aussi ont mis de la musique, bien sûr, ça peut être des démos ou des albums complets. On peut l'écouter, on peut télécharger les pièces généralement gratuitement, ou on peut les acheter aussi. Donc c'est une belle application pour les amoureux de musique. Cool, merci Simon. Ouais, fait plaisir. Merci. À la semaine prochaine. On va aller écouter un autre bloc de palmarès anglophone. Tout à l'heure, il y aura The Megaphonic Thrift avec Talks Like a Weed King en 7e position stable. Et en 8e, c'est Atomic Baobab avec Foxtrot Uniform. À la vie de croisière d'Assemblage Requis. assez fou pour l'écouter. We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that we are looking at working with the recovery forces to see what can be done at this point. Marie-Pierre, Mathieu, Croisière, Assemblage, Requis, c'est fou. Numéro 7. Talk Like a Weed King, c'était la formation de Megaphonic Thrift, stable en 7e position anglophone. Et juste avant, c'était Atomic Baobab avec Foxtrot Uniform. Foxtrot Uniform. Et là, on va aller entendre une chanson, ça me tentait, La Pâte à Rose. C'est toujours le fun. Et la chanson que j'ai choisie, c'est Les Deux Bonnes Sœurs. C'est un poème de Baudelaire, ça. Ah. Ils ont comme interprété un poème de Baudelaire et ça donne un résultat assez intéressant. Donc, si on l'écoute, on peut vraiment savoir l'être. Hey, cut! Les écouteurs griffent tellement, je m'entends pas. Attention! Déplaisant, m'entendre pour vrai, par exemple. Ouais, ça va être pas mal meilleur, la Pâte à Rose, une plus belle voix. Donc, Pâte à Rose avec les deux bonnes sœurs. Oui. On écoute ça? À la vie de croisière d'assemblage requis. Puis après ça, c'est la chronique, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Hey, hey, hey, hey. Hein? Ah, ok, ah, ça a commencé. Je sais pas quand la pièce commence, mais j'entends. La débauche et la mort sont deux aimables filles. Prodigues de baisers, riches de santé. Dont le flanc toujours bien. quand j'ai frappé des guenilles sur l'éternel labeur, n'a jamais enfanté. Que j'entends dans la danse ici. Carrie Moinette avec la pièce Après tout dans Vie de croisière, l'assemblage recul. Et juste avant, c'était la pâte à rose avec les deux bonnes sœurs. Un beau petit bloc de francophones, non palmarès. Ça fait changement. En fait, Carrie Moinette, si je me rappelle bien, est encore dans le palmarès francophone. Il est en position numéro 12 avec la pièce Le Monstre. D'accord. Maintenant, c'est le moment de la chronique que tout le monde adore. Surtout les parents de tout le monde, je pense. Non? Les parents? Parce que, comme ça, ils peuvent savoir quoi acheter leurs enfants. OK. Ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. C'est la chronique, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Et on parle évidemment de choses qui vont régler des problèmes que vous n'avez pas nécessairement. Ça pourrait arriver. Pour commencer, tiens, t'as envie de jouer aux échecs, OK? Mais t'as vraiment chaud. Oui, oh oui. Évidemment, il fait chaud en ce moment, surtout sur le bateau. Donc, évidemment, tu vas t'acheter des petites choses pour faire de la glace en forme de différents morceaux d'échecs. Puis ça va pouvoir y aller avec des couleurs différentes. Par exemple, verser du jus d'orange dans un côté, peut-être d'autres choses dans l'autre. Puis là, t'as deux façons de jouer aux échecs. Puis là, évidemment, s'il fait chaud, ben, tu joueras pas très longtemps. Peut-être que ça va annuler la partie. Puis ça va être la personne qui est la plus avancée, je sais pas pourquoi, pour déterminer. Parce que ça va fondre. C'est de la glace. Oh! C'est très, très drôle. Je pensais qu'on pouvait, mettons, le mettre dans un verre ou quand le personnage meurt. Tu pourrais aussi le mettre dans un verre. Le manger. Oui, le manger, c'est très, très bon, de la glace. Mais si tu mets dans un verre, peut-être que tu pourrais avoir plusieurs verres avec le nombre de pièces d'échecs puis jouer sur un grand gazon avec les verres avec le dedans. Non, ça ne serait peut-être pas bien. Ça va coûter cher de liquide, je pense. Ça coûte combien? Il n'y a même pas de prix sur le site, en tout cas. Il y a plusieurs couleurs, en tout cas. Si vous voulez aller voir ça, c'est sur assemblagerequis.com. Très joli, très différentes façons de mettre du liquide de couleurs différentes. Ensuite, tu pars toujours tes lunettes de soleil. Tu sais, tu sors, tu prends ta casquette. Tu sais, tu prends ta casquette, tu vas te tu portes toujours une casquette avec des cheveux comme ça. Ça doit vraiment être pratique, une casquette. Hein, Donc, tu mets ta casquette et là, tu n'as pas tes lunettes de soleil. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu achètes une sun cap, qui est une casquette avec une fente à l'intérieur dedans et puis tes lunettes de soleil viennent avec. Ça vient avec les lunettes de soleil. Puis si tu veux, j'imagine que tu peux les changer pour d'autres. 100% protection UVA, UVB. 25$ chaque, c'est chez Sky Mall. Donc, casquette avec lunettes de soleil. Disponible en noir, en rose et une autre sorte de noir avec un autre symbole dessus. Très joli. Très, très joli. J'en veux une. Ouais, moi aussi. Ensuite, tu t'en vas en voyage, OK? Dans ta van, mettons, peu importe le véhicule que tu utilises ou même à maison, peut-être, tu pourrais utiliser ça. Tu vas mettre ton chien. Mais le chien n'est pas capable de marcher jusque de sauter dès qu'il est rendu vieux, ton chien. Donc, c'est des escaliers pliables qui peuvent aller entre 15 et 27 pouces. Et là, ton chien va pouvoir, mettons, monter dans ton camion, peut-être monter, je sais pas, sur le lit, quelque chose de genre. Tu sais, à la place de le prendre, parce que c'est juste prendre son chien, ça demande beaucoup trop d'efforts. Hein? Oh oui. À la place, tu vas aller chercher ton échelle dans le garage. Tu vas l'ouvrir à sa pleine longueur. Ça vaut vraiment la peine. Ça peut supporter des chiens jusqu'à 30 livres. Donc, idéal pour les petits chiens, les chiens vieux, les chiens blessés ou les chiens beaucoup trop... Ou les bébés chats. Bébés chats. Encore. Chats, ouais, j'avoue. C'est Puppy Easy Up Collapsible Pet Stairs par Domestic Innovations. Ensuite, tiens, t'as pas de sonnette chez vous. Non. Ou encore, si t'en as une, mais les gens veulent pas l'utiliser, ils sonnent jamais, t'sais, ils sont là puis ils entrent chez vous. T'sais. Ici, c'est un tapis qui va en dessous de ton tapis de bienvenue, là, genre que tu mets devant ta porte. Et c'est quand même assez grand. Et quand la personne arrive dessus, un peu comme au garage avec service, là, où il y a le petit tube, là, ça va ding ding ding sur un appareil qui vient avec, évidemment. Tu peux aller jusqu'à 120 décibels avec la petite machine, donc ce serait parfait pour un système d'alarme peut-être. cette situation-là. Sinon, ça pourrait être pour une sonnette, pour une alerte de chien aussi. Parce que des fois, ton chien, tu pourrais le mettre à l'intérieur pour que ton chien veuille sortir, donc il paye sur le tapis, tu lui ouvrir la porte. Ou le contraire, quand il veut rentrer, comme ça, il n'y a plus, de graffignage sur le bord de votre porte, quand même. Swan SW351 WMA Wireless Mat Alarm, c'est le nom. Ça me fait tellement penser à l'Halloween. Mm-hmm. Chez moi, on a un tapis avec des dessins d'Halloween, un tapis orangé, et on le met. Et ça, c'est relié à une petite boîte qui fait du son. Donc, par exemple, tu passes l'Halloween et tu arrives devant la porte, tu piles sur le tapis, ça fait ça crie comme ça. Oh, ça me ferait peur. Mais soit ça. Que les enfants ont très, très peur, ouais. Ou soit ils trouvent ça tellement drôle qu'ils n'arrêtent pas de peser dessus jusqu'à temps que tout le monde soit tanné, ouais. Tu sais. Mais ça fait tellement penser à ça. Ça vient peut-être de là, l'idée, en fait. Je trouve que c'est très peut-être. Bonne mais au moins, c'est juste une fois par année, tandis que celui que tu proposes, c'est constant, tu sais. Ouais. Faut pas que la personne. Ouais, j'avoue que ça pourrait être utilisé à mauvais escient. Tu peux aller jusqu'à 100 pieds avec le petit gadget et le tapis, donc les séparer de distance. On peut choisir trois sons différents avec des volumes, comme je disais, paramétrables. On parlait de chiens qui pourraient utiliser ça pour entrer dans la maison, signaler qu'ils veulent entrer. Et il y a des chiens aussi qui ont de la misère à dormir, peut-être. Donc, il y a un lapin à batterie qui simule un battement de cœur. Donc, le chien va être attiré par ça pour pouvoir s'endormir. Collé sur un battement de cœur. Ça, c'est pour les chiens qui portent des vêtements. C'est pour ça. Ils sont trop gâtés, c'est ça? Peut-être. Ça coûte 25$. C'est disponible chez Firebox. Et une fois que votre petit chien va s'être habitué au battement de cœur, il va s'endormir tout seul. Peut-être que tu vas pouvoir enlever les batteries et puis va s'en servir comme un toutou normal. Qui coûte 25$. Ouais, c'est beau, hein? C'est joli. FireTex, c'est une alarme de feu qui va automatiquement envoyer un message texte à 4 numéros de téléphone en cas d'urgence. Parce que disons t'es pas à la maison, ta maison pogne en feu, tu veux recevoir un message texte pour te dire, tu sais, viens-t'en, t'es à une demi-heure, tu t'en viens, puis ta maison va être complètement brûlée. T'sais. Genre, mais non. Mais à la place, peut-être que tu pourrais recevoir le message texte, c'est appeler le 911, etc. Donc, une alarme de feu qui est principalement faite pour donc rejoindre 4 personnes à la fois. Il y a une carte SIM qui va là-dedans, donc ça va envoyer un message texte pré-programmé. Ça fonctionne avec une batterie normale de 9 volts. Ça fonctionne pour environ 36 alarmes. Et on dit qu'une seule batterie devrait rester en fonction pendant environ 5 ans, s'il n'y a pas 36 alarmes, évidemment. Mais c'est pas bête. C'est pas une mauvaise idée. 144$ par contre. 144$. C'est un peu cher. Ouais. Mais l'idée est pas mauvaise. Oh, ouais. C'est ça. On apprécie quand même des fois des bonnes idées. J'aime ça. Peut-être qu'il pourrait t'envoyer un message texte, un courriel et un post Facebook. Pour vraiment pour être sûr de te rejoindre. Tout le territoire. Neo Stitch iPhone 4 Case. C'est un nouveau skin, si on veut, un truc que tu mets sur ton iPhone. Mais la différence, c'est que c'est fait pour faire du. Est-ce que je me trompe en disant du macramé? Quand tu prends une aiguille puis tu fais des swing par en bas, puis là, ça fait une forme, un dessin sur quelque chose. Je crois que c'est du macramé. Peu importe. Mais tu fais ça avec. C'est plus avec un bout de tissu que tu passes l'aiguille puis ça fait des dessins. C'est ça. Non, ça s'appelle pas du macramé, mais je sais de quoi tu parles. J'espère que les gens comprennent malgré le manque de mots. Donc, c'est une compagnie coréenne, Connect Design, qui nous présente ce nouveau skin pour iPhone-là. Ça coûte 18$. Vous avez le choix de 6 différentes couleurs de base et quelques ficelles qui vous envoient pour commencer votre travail. Vous pouvez continuer avec la vôtre après. Donc, ça pourrait être parfait pour faire un dessin à la 8 bits, comme des jeux vidéo. Moi, je trouve que ça serait beau. Attends, c'est comme si tu fais le dessin avec sur ton iPhone? Non, c'est ça. Okay. Bon point de me ramener sur l'explication. Je suis mélangée, de c'est un skin dans le sens que c'est t'sais, pour protéger ton iPhone. Tu mets ça dans. Tu mets ton iPhone dans cette affaire-là pour le protéger. T'sais, un genre de comment t'appelles ça? Là? Mais ça, c'est un morceau de plastique dans le fond. Puis là, tu fais ton truc comme ça à la main avec de la vraie ficelle. Okay. Puis après ça, tu mets ton iPhone dedans pour le protéger. OK, voilà. OK. Mais tu vois l'écran. Là. C'est pas comme un bas là, que tu mets ton truc. OK. C'est joli, c'est cute. T'as un clavier, d'accord, un clavier d'ordinateur, mais tu trouves qu'il n'est pas assez bling-bling, tu sais. Tu veux du bling-bling sur ton clavier. Je veux du bling-bling. Tu veux du bling-bling, bon. Donc, tu peux avoir une touche numéro 4, parce que si tu regardes ton numéro 4 sur ton clavier, c'est la touche de dollar, tu sais. Oui. T'as un dollar dessus. Donc, tu peux faire changer ta touche par une touche en or, vu qu'il y a le signe de dollar dessus, puis il y a 4, c'est du bling-bling. Donc, pourquoi ne pas faire ça? Évidemment, ça ne dit pas si tu peux choisir la sorte de clavier. Pour avoir la touche qui va avec ton clavier. Parce qu'ici, on voit dans l'image que ça ne fait pas nécessairement avec le reste du clavier. Et on ne sait pas non plus le prix, donc c'est peut-être juste un concept. Peut-être que ça n'existera jamais, mais c'est une touche 4$ à bling-blinger en or. J'aime ça. La compagnie LG, est-ce que c'est en Corée? En Corée, oui. A sorti une vieille télé une télé à l'ancienne mode, très très profonde, mais petite, 14 pouces, où tu peux choisir le mode couleur, noir et blanc, et sépia, ça c'est le genre de jaune. Donc, vieille télé, on ne sait pas encore une fois combien ça coûte, et on ne sait pas si ça va marcher en Amérique du Nord, parce qu'évidemment, il y a des nouvelles affaires de télé numérique, là, tu ne peux plus pogner n'importe quoi sur ton antenne. Mais je trouve ça joli. Ça bat les télés LCD en termes de look. C'est très, très cute. Tu peux soit en acheter une ou demander à tes grands-parents s'ils ont encore une vieille télé. C'est ça, ou visiter un marché au plus. Oui. Ouais. Au choix. T'as besoin de construire quelque chose, mais tu veux que ce soit fait solide, mais en même temps, t'es juste bon dans la vie, toi, en construction avec des blocs Lego. T'sais. OK. Donc, t'achètes des blocs Lego faits en ciment. Évidemment, évidemment. Donc, tu peux empiler ces blocs Lego-là puis te faire une belle petite construction. Peut-être quelque chose de joli pour faire peut-être un coin barbecue, peut-être sur ta galerie, quelque chose du genre. Tu achètes des blocs Lego, tu les empiles, il y a des trous dedans. C'est super bien fait. C'est sur construire le site de... une maison aussi. Oui, probablement, probablement. ouais, ça ferait une très belle maison, sauf que tu verrais pas le fait que c'est des blocs Lego parce qu'à un moment donné, il y a un toit après ça. Ouais. Ça vient un petit peu défaire l'idée du look. Hein. Je m'excuse. On fera pas de maison. Ça amène des mauvaises idées. Ensuite, ça j'adore ça, c'est un support ou presque comme un crochet, mais en forme de la petite main qui fait like sur Facebook. La petite main qui fait like, là, ça c'est très très pixelisé. Quand tu la regardes en très très gros, ça fait comme le look pixelisé, le point par point. Et donc, tu peux l'avoir en beaucoup plus gros que ça pour mettre sur ton mur, tu peux mettre par en haut et tu peux même réaliser ton rêve et le rêve de tout le monde d'avoir un don't like sur Facebook parce qu'il n'y en a pas encore de don't like officiel. Donc, tu pourrais mettre à l'envers. Puis tu peux mettre des fils là-dessus, tu peux mettre ton manteau, quelque chose là. Ça va moins bien si tu fais un thumbs down, hein, par exemple. Ouais, pour ça, ça va peut-être un petit peu moins bien. Mais chacun son rêve, là. Viens pas gâcher okay. Ma vie. Je m'excuse, Mathieu. Je m'excuse. Ça coûte 40$ via leur page que vous pouvez retrouver sur assemblagerequis.com, sur meninos.us, leur site. T'as un iPhone. T'as pas l'iPhone, mais mettons que t'as un iPhone. Tu prends des photos. Oui. Par contre, tes photos, tu les trouves pas d'assez bonne qualité. T'as pas l'objectif que tu veux. Hein. Ben maintenant, il existe un objectif. Deux fois plus gros que l'iPhone pour aller devant l'ouverture du iPhone pour pouvoir prendre une belle photo. T'sais. Et ils prennent la peine de le dire sur leur site, c'est un vrai produit. Et quand une compagnie doit dire que c'est vraiment un vrai produit, il y a un problème à quelque part. T'sais. Ça coûte entre 190 et 240$. Donc ça vous dérange pas de dépenser ça. Est-ce que c'est ça? Non. Oui, c'est entre 190 et 249$ pour ce bel objectif qui est disponible pour les. Canon puis je connais rien dans l'appareil photo, je sais même pas traduire ça. Canon puis Nikon, voilà, est compatible avec un iPhone 4, iPhone G ou iPhone 3GS pour prendre des meilleures photos. Je ferais pas ça. Je trouve ça un petit peu bizarre parce que tant qu'à avoir ton iPhone puis vouloir prendre des photos avec un objectif immense que tu colles après ton iPhone, puis j'imagine sur rouleau pour que tu puisses tenir ton iPhone, achète-toi un vrai, ouais. Un vrai appareil. Tout à fait. Si vous avez plusieurs consoles de jeux vidéo. Tiens, une Xbox 360, ça, une ça Wii. Ça te parle, ça. Ça me parle, moi. Moi, j'en ai seulement deux consoles de salon. J'ai seulement une PS3 et une Wii. J'ai pas d'Xbox 360. Je suis pas encore rendu. J'ai vendu ma Nintendo. Non, j'ai encore une Nintendo 64, c'est vrai. Mais bon, ça ira pas avec la nouvelle. Parce que dans le fond, c'est pour les appareils qui ont, par exemple, le PlayStation Move, la petite caméra. L'autre, la Wii, c'est la petite barre pour détecter ta manette. L'autre, Kinect, c'est une autre sorte de caméra. Donc, c'est un nouveau genre de rack. C'est un tri-mount qui est conçu pour garder tous vos détecteurs de mouvement en place et pour s'accrocher à votre télé ou encore à votre mur. Hein? Ça a l'air d'un robot extraterrestre ou quelque chose du genre. Mais quand même, c'est utile. Je crois qu'on peut se l'admettre. C'est utile à avoir, mais c'est laid. Ça coûte 30$. Si vous avez beaucoup de consoles comme ça, vous avez déjà dépensé tant d'argent sur des consoles, aussi bien rajouter un 30$. Pourquoi pas? Pour pas avoir les caméras n'importe où. À un moment donné, ça fait le désordre. Ouais. Maintenant, des lunettes de soleil qui filment en haute définition. Hein, on nous dit que vous soyez amateur de sport extrême ou vidéaste de vacances. C'est un gadget qui pourrait simplifier votre vie. Offerte par la compagnie Thanco, c'est des lunettes de soleil dotées d'un caméscope HD intégré. Donc, plus besoin de sortir votre iPhone ou encore votre gros objectif de tantôt. Donc, pas besoin de fatiguer votre bras non plus à essayer de stabiliser l'image. Non, parce que votre caméscope est sur le bout de votre nez. Ça serait bien aussi pour les émissions de caméra cachée, tu sais. C'est sûr, bon. Sur le bout du nez? Sur le bout du nez. Mais c'est une paire de lunettes avec la caméra en plein centre. D'accord? Résolution 720p vidéo, 4032 par 3024 pour les photos JPEG, donc de la très bonne qualité. Le tout enregistré sur une carte micro SD de 32 Go ou moins. Hein? La slot, la place où mettre sa carte SD est sur le côté gauche de la paire de lunettes. Est-ce qu'ils sont grosses, les lunettes? Non, pas si pire. Non? OK. Pas si pire du tout. Ça pourrait passer inaperçu. Quand même. Et le prix? Ça nous dit 75$ plus les frais d'importation du Japon. Donc, on peut s'attendre à un petit peu moins que 100$, j'imagine. Et contrairement à d'autres produits similaires des générations antérieures, on nous dit que ces lunettes ne sont pas absolument horribles. et ni déparé par de gigantesques compartiments à composantes électroniques. Mais j'imagine quand t'as ça, puis tu l'as fait venir du Japon, puis que ça filme, tu mets un petit fil que tu t'attaches dans le cou quand tu te promènes. Ouais, en effet, tu les protèges, t'sais, mettons. Si tu fais, mettons, du ski, là, tu veux filmer, là, je pense, le petit fil dans le cou. Je sais pas si ça rentre dans la casquette de tantôt avec un petit zip. Ouf! Faudrait essayer, hein, Mathieu, on se l'achète. On va l'essayer. Allez. OK, vendu. Moitié prix à chaque. Et pour terminer, un iPhone transformé en ventilateur, ça t'intéresse? Il fait chaud, tu l'as dit tantôt, il fait tout le temps chaud. Moi, chez moi, j'ai un air climatisé et on ne se croit plus tellement il fait chaud. C'est très bizarre. Donc, c'est le iPhone Dock Fan qui est un ventilateur miniature alimenté par la batterie de votre iPhone ou iPod Touch. On peut l'orienter vers le bas du téléphone ou vers le côté, mais pas de manière à pouvoir se ventiler tout en regardant l'écran, ce qui est dommage, mais quand même, étant donné la place où c'est situé, cette prise-là, c'est normal. L'autonomie du ventilateur dépend de l'usage qu'on en fait ou qu'on fait du iPhone, mais on nous promet qu'une charge de batterie complète devrait suffire à s'aérer le visage pendant 6 heures de suite. Et si vous êtes pris dans le système de transport en commun pendant plus de 6 heures, vous avez des problèmes plus urgents à régler, nous dit l'article. C'est vendu avec un étui rigide pour le rangement, pas en forme de casquette malheureusement, pour environ 15$. C'est via le site Red Ferret, les liens sont sur assemblagerequis.com. Voilà pour la chronique, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a! C'est quoi ton coup de cœur ce coup-ci? Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y en avait moins des vraiment géniales que d'habitude, tu trouves pas? C'était pas aussi fun, tu sais. Je dirais que j'aime beaucoup les blocs Lego en ciment. Les blocs Lego en ciment? Ce serait très joli chez moi. Je sais pas trop. Je suis comme. Déchirée. Je sais pas. Moi, je suis déchirée. T'as le temps d'y penser, toi, toute la semaine. Ouais, j'y penserai. Tu nous reviendras, tu nous achèteras ça. Chaque gadget préféré de chaque chronique qu'on a fait. À la fin d'été, on va se faire un petit party comme d'échange de cadeaux. Un party d'échange de cadeaux inutile. Tout le monde va être tellement content. Pas très différent d'habitude. Hein? Non, mais c'est ça, les cadeaux, c'est rarement utile quand c'est pour un échange de cadeaux. Bon. On va rester en francophone pour la prochaine pièce. On va entendre un petit peu de Tracteur Jack. Pourquoi pas, voici la fille du président à la vie de croisière d'Assemblage Requis. Cadillac, souliers noirs, je suis sorti un soir. La pluie battante sur mon pare-brise m'empêchait de voir. Elle n'avait même pas 18 ans, elle habitait chez ses parents. J'ai cherché pendant des années la fille que j'aimerais aimer. Quand je l'ai trouvée, elle était polie et bien habillée. Elle n'avait même pas 18 ans, c'était la fille du président. Oh, sweet girls are just a little sour. Oh, sweet girls are just a little sour. Son décolleté, je plonge dans ses yeux noirs. Elle n'avait même pas 18 ans, elle a oublié ses parents. Oh, Tracteur Jack et la fille du président, la vie de croisière d'Assemblage Requis. C'est moi qui fais des effets sonores de... T'aimes pas ça? OK. C'est quoi les effets sonores? Aucune idée. C'est la fin de la troisième heure d'Assemblage requis. Il y en a une quatrième qui s'en vient, la dernière heure de l'émission d'aujourd'hui. Il va y avoir là-dedans la chronique de Stéphanie Gagné et Justine. Encore une fois, cette semaine, on la reçoit. Ça s'est rendu une habitude, on ne pourra plus s'en passer. C'est donc, on va faire un petit retour sur le festival, j'imagine. C'est un petit peu ça en partie, non? En partie, ben, comme la semaine passée, ça va être génial. Aussi, la deuxième partie de la chronique, c'est un fait, s'en vient. Puis on a le top, 5 du palmarès anglophone? Oui. 6! Incroyable, je ne m'en peux plus! Alors, restez avec nous. Ah, attends, je voulais faire appeler sur celle-là, gars. Pour nous mettre dedans, non? Restez avec nous! N'importe quoi. Faudrait vraiment que je m'empêche de faire des affaires de Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. 89.1. J'ai raté un petit bout dans votre conversation. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux être mis au courant de ces affaires-là. C'est moi l'animateur, là. Non? Pas en onde? D'accord. Bon, retour sur la quatrième heure de la vie de croisière d'Assemblage requis. Toujours avec Marie-Pierre Laforge-Bourret. Et Mathieu Plante. Avec conviction, toi. Mathieu Plante. Donc, cette quatrième heure va être passée ma phrase a commencé comment déjà? Que je la finisse comme faut? Mettons qu'on va faire la chronique top favori parce que c'est là qu'on est rendu. Ça va? À un moment donné, le niaisage, moi, là, ça, là. Pourquoi tu m'empêches pas de faire des affaires là-même, mais Pierre, t'es là pour ça, c'est ta job. Oh. Faut que tu me dises ta gueule! Vas-y. T'es capable de le faire toi-même? Elle est trop polie, c'est ça l'affaire. Je suis ton plat favori. C'est la chronique ton plat favori avec Stéphanie Gagné et on accueille encore une fois Justine Renaud. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça t'offusque quand je dis Renaud comme Renaud, le chanteur dirait Renaud? Ah, j'aime Renaud. Ouais. J'aime moi Shawinigan. Ah ouais. Il y a bien du nom Shawinigan. C'est un drôle de nom, Shawinigan. Donc, on va parler entre autres du festival tantôt. On va commencer par le plat favori de Stéphanie, c'est bien ça? Oui, exactement. J'ai deux choses que je voulais parler, mais en fait. La deuxième, j'ai plus ou moins des choses à dire parce que je connais vraiment pas du tout le band, mais c'est pas grave. On va commencer par le spectacle que je suis allée voir cette semaine sur les plaines. Je suis allée voir The Black Keys et il y avait en première partie Cage the Elephant et Girl Talk. Malheureusement, on est arrivé en retard, donc on a manqué en grande partie Cage the Elephant. Mais on est quand même arrivé pour la toune que j'aime bien, Ain't No Rest for the Wicked, leur hit. Qu'on pourrait dire. De relatif. Là, ouais, très, très relatif. Mais bon, tout le monde connaissait les paroles, donc quand même. J'étais assez étonnée qu'il y ait du monde qui soit arrivé pour Cage the Elephant. Je pensais qu'il allait vraiment pas avoir grand monde, vu que Cage the Elephant, c'est pas très, très connu. Mais bon, finalement, il y avait quand même du monde. On a réussi à se faufiler vers l'avant. Après ça, Girl Talk commence et on se dit, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est de la grosse musique de club tout le long. Mais tu sais, c'était bon pour les gens qui aiment la musique de club. Mais ça fitait tellement pas avec The Black Keys. Puis là, je regardais autour de moi puis je me disais, mais pourquoi les gens capotent comme ça? Si t'es pour aimer The Black Keys, je comprends pas. C'est pas compatible. Non, vraiment pas. Mm-hmm. Mais musique de club puis gars qui se rase mal, là. Ouais, c'est un peu ça, les blagues. Non, mais ils ont... Ouais. Le chanteur a pas l'air propre, là. Okay. Moi, j'ai trouvé, là. Bon. En spectacle. Mais c'est vraiment... c'était vraiment étrange. Puis en plus, tout le long de la prestation de Girl Talk... Sur scène, il y avait une bande, plein de personnes, là, des gens comme nous autres, là, qui dansaient. C'était genre colonie de douchebags sur la scène, là, puis qui dansaient tout le long. C'est juste ça. C'était vraiment bizarre. Moi, je trouvais ça bizarre. Parce que je me disais, qu'est-ce qu'ils font à un show de The Black Keys habillés comme ça, puis pourquoi ils ont été choisis? En tout cas, je trouvais ça bien bizarre. Fait que Girl Talk, ça a pas du tout fité avec The Black Keys. C'était vraiment bizarre. Mais bon, The Black Keys a commencé, c'était vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment excellent. C'était bon? Ouais. On a vraiment l'impression d'avoir été pitché en plein milieu des États-Unis, là. Tu sais, c'est vraiment, là, américain, gros rock avec des muscles. C'était vraiment bon. C'était très mâle comme spectacle. Puis j'aime vraiment ce qu'ils ont fait pour ce qu'on voit sur les gros écrans. C'était tout en noir et blanc, tout le long. Puis je trouvais que ça fitait super bien avec eux autres. Il y avait plus ou moins de flafla autour, par exemple, sur la scène. Des fois, il y avait des images en arrière, mais pour le début du spectacle, il n'y avait absolument rien. Il y avait des lumières, puis eux autres qui jouaient, mais ils n'ont pas besoin de flafla. Ce groupe-là, ils sont juste vraiment fous. Ils n'ont pas besoin de rien d'autre. C'était vraiment très bon. Ils ont joué tous leurs hits de Brothers, évidemment, et aussi beaucoup d'autres pièces des albums précédents. C'était vraiment super bon. Et cool. Moi, je voulais faire jouer la pièce Howling for You. Et je vous conseille fortement d'aller voir le vidéoclip qui est fait en bande-annonce à la Quentin Tarantino. Ouais, et là, il faut expliquer le concept. Là. Le clip, d'accord, le clip est fait comme si c'était une bande-annonce, mais ça n'en est pas une, c'est un clip. Mais la pièce joue en fond et un annonceur par-dessus et des acteurs qui parlent. Est-ce qu'ils sont dans le clip, le groupe? Oui, ils sont dans le clip, c'est des personnages. Ils jouent des rôles dans le film fictif. Ouais. OK. C'est très bon. Très long aussi. Très long, mais tu sais, comme une bonne annonce. Il voilà. Y en a des plus longs. Mm-hmm. Donc, Howling for You, The Black Keys. Dans la chronique, ton plat favori, Stéphanie Gagné. Tout à fait, c'est pas la bonne chanson, mais comment ça fait que c'est pas la bonne chanson? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que tu as fait à la chanson, Mathieu? Je comprends pas. Moi non plus. T'as un peu, t'as un peu. Ok, c'est, je l'ai. C'est censé faire pala-pala. Ouais, non, ça va. Mais c'est drôle parce que quand tu tapes, ok, j'ai tapé The Black Keys Howling avec un G for you et ça m'a sorti une pièce de Venom qui s'appelle At War with Satan. Et comme 10 fois, puis je me suis dit, ça n'a pas le choix d'être celle-là parce qu'il était tout pareil. Mais non, c'est la différence entre un jeu et pas de jeu qui vient de sortir une toune avec Satan. Je pense que c'est subliminal comme message. Ils n'aiment pas nos amis de Black Keys, je pense. Donc, Howling for You, Black Keys, la vraie, qui commence là. Ah! Ah. Pas de Satan là-dedans. On s'attend à mieux. All right. Yeah. Well, I must admit, I can't explain any of these thoughts racing through my brain. It's true. Baby, I'm howling for you. All right. There's something wrong with this plot. The actors here have not got a clue. Baby, I'm howling for you. Yeah. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Est-ce que c'est la troisième fois que tu achètes tes lunettes? Affirmatif. Troisième? Troisième. Mais là, je touche plus. Parce qu'il faut que tu ajustes tout le temps en train de toucher à quelque chose, c'est ce qu'on tient. Donc, on vient d'entendre Howlin' For You de The Black Keys dans la vie de croisière d'Assemblage Requis. C'est la chronique Ton plat favori. Oui, et là, j'avais une autre pièce que je voulais écouter, mais je connais absolument rien sur le band, sauf que c'est un groupe électro de Vancouver. Mm-hmm. Deux personnes dans le band. Je ne me rappelle plus leur nom, c'est des noms vraiment très complexes. Et c'est ça, c'est vraiment... je sais pas. Je connais pas vraiment. Je les ai pas vus sur Wikipédia, j'étais vraiment triste. J'ai fait une recherche Google et il n'y a pas grand-chose sur eux autres. Ça a l'air d'être un band assez récent et c'est quelqu'un qui m'a fait écouter ça cette semaine et j'ai vraiment aimé ça. Ils ont fait de la musique pour un film sur le vélo de montagne. Ah ouais, c'est un film sur le vélo de montagne. Ouais, mais c'est vraiment de la bonne musique. Ils ont-tu un CD de sortie ou c'est... Oui, je pense qu'ils ont un EP de sortie. OK. Mais ça, ça sort pas du EP, ça sort de la trame sonore du film, en fait. D'accord. Alors, c'est la pièce Night Section du groupe Data Romance. Si quelqu'un en connaît plus, vous pouvez toujours ne pas vous gêner et appeler et nous raconter ce que vous connaissez sur ce groupe-là, ce qui m'étonnerait. Ouais. Et en fait, ça me rappelle qu'on a reçu le maxi de Data Romance, si jamais tu vas refaire un jour. Pour vrai? Vrai? Oh, hein? J'en ai-tu des affaires en tête? Ouais, on écoute ça? Yes. On s'imagine en train de faire du vélo de montagne, tout le monde? Ça, c'est All In For You. Okay. Ah, quand même, ça va pas bien. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Ça va pas bien. On va faire une excellente chronique, tout ça. Hein? Ouais. On découpera ça pour la reprise. On devrait mettre ça dans un best-of. Ouais. C'est la bonne? J'entends pas, moi. Ah, là, je m'imagine beaucoup plus avec un vélo entre les mains. Beaucoup plus. Là, je m'imaginais qu'un cheval. Oui, oui, c'est la bonne. Ah, confirmé. Data Romance avec Night Section. T'as bon, ça? Ouais, hein? Mm-hmm. On s'imaginait là, que le gars était en train de se planter. Hein? Ouais, dans le documentaire de vélo dont on parlait avant, là, pour ceux qui n'étaient pas là. Hein? Faut tout rappeler à tout le monde. Ils suivent pas, c'est ça. Alors voilà. Ouais. C'était ma découverte de la semaine. Merci, Steph. Okay. Moi, je vais continuer avec mon petit dessert pour accompagner ça. Ça vous dérange pas, toi? Vas-y. Deux petits desserts, ben, le fun. Là. Pour commencer, c'est un moitié artistique, moitié jeu vidéo. Mais pas littéralement. C'est une planche de Tetris analogique qu'on appelle. Okay? T'as un dealer, un peu comme dans un casino, qui va laisser tomber une pièce sur une table qui est un petit peu inclinée, d'accord? ça existe pour vrai. Là. Il y a même une vidéo pour voir ce que ça a l'air. Là. Donc, le dealer, avec sa belle petite casquette, un petit peu comme dans un casino, va lâcher le morceau et le morceau va glisser jusqu'à où tu es en train de jouer. Et là, tu dois placer des morceaux à la main de Tetris, un par un. Et le but, à la place de faire des lignes, c'est de réussir à rentrer le plus de pièces possible avant la ligne jaune en haut du jeu. Donc, c'est vraiment bien si vous voulez aller voir ça. Analog Tetris, c'est fait par... de quel pays ça vient? En tout cas, la langue originale, c'était Tetris Analogico. Très, très joli. J'aime ça. Et puis l'autre, c'est une nouvelle façon de faire des speedruns. Sur Internet, les gens, c'est la mode depuis des années de faire des speedruns. C'est de prendre un jeu vidéo, mettons Mario, n'importe quoi, et jouer le plus rapidement possible, mais avec un logiciel qui permet de reprendre les choses plusieurs fois. Donc, tu peux comme arrêter quand tu meurs, que tu fais pas le bon mouvement, reculer un petit peu, et puis refaire le même move pour que ce soit le plus impressionnant possible à la fin quand tu combines les différentes les prises les plus que t'as réussi dans le fond ensemble pour faire une vidéo. Là tu passes ça sur YouTube, t'as fait mettons Mario en 6 minutes 30 quand t'enlèves toutes les erreurs que t'as fait, et là c'est super impressionnant de voir comment le gars est capable de jouer aussi vite que ça à un jeu vidéo. Ça c'est des speedruns. Là le lowest scoring run, c'est une nouvelle façon de faire qui est de faire le moins de points possible. Donc tu joues mettons à Mario et puis là tu ramasses aucune scène, tu pètes aucun bloc, tu sautes sur aucun ennemi. Quand tu arrives à la fin du tableau, tu t'attends que le drapeau soit exactement en bas avant de sauter pour faire seulement 100 points. Et là, tu prends toutes les warps qu'il y a dans le jeu pour faire genre... Le gars, il a eu 600 points en tout, genre, dans sa partie de Mario. Mais là, celui-là, il le fait sans logiciel. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo du gars en train de faire ça en temps réel, moins les temps où il attend pendant comme 250 secondes avant que le drapeau... avant que le chronomètre du tableau se rende jusqu'à la fin pour réussir à arriver exactement à 0 seconde sur son drapeau sans frapper aucun ennemi. Génial! Lowest scoring run de jeu vidéo, j'adore ça. Sur assemblagerequis.com, le lien est là, ça vous intéresse beaucoup, beaucoup, comme je peux voir. Non, mais allez voir des speedruns, ça c'est impressionnant par contre. Si tu veux vraiment te divertir, c'est de regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo le plus vite possible, là, ça c'est vraiment le fun. Je parle à tout le monde avec ça. Hein. Ouais, mais là, tu nous as dit que c'était fake. Fait que... Les speedruns sont pas mal tous fake, oui, en effet. Les gens reprennent vraiment plusieurs fois avant de réussir à sauter exactement au bon endroit. T'as-tu déjà essayé? Non. Ah. Non. Ben non, là... mais c'est une bonne question, en effet, mais non, ça prend vraiment du talent pour réussir ça. Moi, c'est pour ça que ça m'impressionne. Quand tu vois comment le gars le fait pour vrai, c'est vraiment quelque chose. Beaucoup de perte de temps, évidemment. Tu sais, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup trop de temps à faire ça. Mais moi, ça m'impressionne. Je suis pas dur à impressionner, vous me direz. Ouais. Voilà pour mon dessert. Je suis vraiment très heureux d'avoir partagé ça avec vous aujourd'hui. Super. Ah, maintenant, parlons un petit peu du festival en cette fin de chronique. Vous êtes allé voir plusieurs spectacles. Les filles, n'est-ce pas? Toujours avec Stéphanie Gagné et Justine Renaud et Marie-Pierre Laforge-Bourret et moi-même Mathieu Plante. Oui, on est allé voir d'autres spectacles. On est allé voir la semaine passée Our Book and the Authors, jeudi soir, qui était, ma foi, aussi bon que d'habitude. On les avait connus l'année passée, on les avait eu en entrevue, Molotov, en ce coin-là. Ouais. On les avait eu en entrevue, puis on est allé voir le spectacle, Justine et moi, et on connaissait pas ça du tout. On est arrivé là et on a été assez impressionnés parce qu'on a vraiment aimé ça, la voix du chanteur, là. Mon Dieu! En tout cas, moi, ça me fait tomber à terre. Il y a vraiment une super de belle voix, puis même s'il y a pas grand monde, tu sais, pour eux autres, il y avait plein de monde dans le bar, mais il y a du monde qui parlait tout le long. Là. Il était pas là pour voir le spectacle. Vraiment pas. Mais eux autres, ils s'en foutent, puis ils continuent à niaiser, puis... C'est ça qui est le fun, parce que c'est des groupes qui vont faire 2-3 tunes dans ce temps-là, puis ils vont s'en aller après, tu sais. Ouais. Ils ont vraiment fait un bon spectacle. Trop d'égo, là. Mais non. Qui a fait ça? Ah! Pose pas la question. Je me rappelle pas, en fait. Ouais. Non, c'est ici, à l'université, à un moment donné. Ouais. Un gros band, là, quand même. Ils avaient joué 2-3 pièces, ils sont partis. Ah, mon Dieu. Mais Our Book and the Authors, ils ont joué toutes les chansons de leur album. Et en plus, dans le rappel, ils ont fait une reprise, chanson de... On s'en rappelle pas. Je m'attendais à ce que Justine s'en rappelle. Ben voyons, non, j'ai même pas l'album. Ben, il est pas sur l'album, c'est une reprise de quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre? Oui, ils ont joué ça dans le rappel. Puis la dernière chanson, c'était une chanson de leur EP, qui est en fait les remixes de l'autre album. Mm-hmm. Ils ont aussi joué The March, qui est sur le EP, mais qui est la seule pièce qui est pas un remix... Et qui est ma pièce préférée. Don't c'est bien mind. Bon. Celle-là? Ouais, c'est ça. Celle laquelle? Qui répète Don't Mind, Don't Mind. Don't mind. Quand don't même. Mind. OK. Voilà. Super. Et toi, tes impressions, Justine? Ah, mes impressions. Nous autres, on est arrivés là, vraiment là, en plein milieu de la première chanson. Puis, oui, c'est ça. Donc, on est comme arrivés en plein milieu du feu de l'action. Donc, on n'avait pas comme attendu pour le spectacle. On n'avait pas attendu que ça commence. Donc, on était comme pas du tout tanné. On revenait directement de Xavier Catherine puis Jonas. Oui, Jonas. Jonas. On veut tellement les détails sur Jonas. Voilà. On venait juste d'arriver de là et puis on s'est planté en avant de tout le monde. Puis je pense pas que ça a fait le bonheur des autres. C'était ma première impression que je nous ai trouvé pas mal hot de faire ça. Deuxième impression, là, il était aussi bon que la dernière fois, sinon meilleur parce que je connaissais déjà un peu plus leur chanson. On avait hâte à la chanson Kids. It's cold outside. Ah, celle-là, on l'a fait tellement jouer. Oui. Et tellement bon. Alors, c'est ça, mes impressions que du positif. Toujours aussi chaleureux aussi après le. Après. Moi, c'est important pour moi que les artistes, quand ils ont fini, soient gentils avec moi. C'est super important. Ils m'ont donné un T-shirt. Ah, donné un T-shirt? Ah, oh, oui, ils me l'ont garoché. Mais c'est vrai que c'est un groupe qui est super sympathique. T'sais, ils veulent parler avec le monde après le spectacle et savoir comment te trouver ça. T'sais, c'est le genre de groupe que tu leur mets un commentaire sur le spectacle sur Facebook et qu'ils vont répondre. Mm-hmm. Oh, donc ça n'est pas trop négatif. Non. C'est pour les frustrer. C'était le fun aussi parce qu'on était les seuls à savoir les paroles. Ouais, on dansait. En avant, on dansait, on chantait, on connaissait toutes les paroles. Ouais. Fait que je pense que le band a vraiment aimé ça. Parce que ça doit pas leur arriver à Trois-Rivières, souvent. Non, c'est oh, ça. Boy, hein, c'est Trois-Rivières. On s'est fait demander le lendemain, on était allé dans un autre spectacle et la copine d'un des gars du groupe est venue nous voir et a dit « Hey, vous étiez au show de Our Book and the Authors hier, est-ce que vous êtes de Victo? » Non. Ah, parce qu'il y a pas mal de monde qui connaissent. Leur noyau de fans est à Victo. Ouais, c'est ça, ça a l'air. Et ben. Il était un peu étonné qu'on connaisse toutes les paroles à leur chanson. Ah. C'était vraiment très bon. Mm-hmm. Et parlant du lendemain, on est allé voir Random Recipe qui... J'avais vu aussi l'année passée, on les avait eu en entrevue, ils étaient venus au Festivois, donc visite 2 ans et de suite au Festivois, mais cette année, c'était complètement différent. L'année passée, on devait être 10, fait que j'étais assis, puis je les écoutais, tout le monde était assis, puis pourtant, c'est pas un groupe que t'as le goût d'être assis, c'est un groupe que, mon Dieu, je m'excuse, ma voix, elle capote. Donc, c'est ça, c'est un groupe que t'as le goût de danser, puis tout ça. Et là, cette année, le bar était plein, là. Ah, mais oui. Plein, là. On était tout collés, là. Puis tout le monde connaissait les paroles, puis tout le monde dansait, puis tout le monde était vraiment dedans. Oh, les gens étaient violents. Violents? Ah, il y avait des gens violents. T'as des cicatrices à quelque part? Écoute. Hygiène, là, pas tout le monde avait non, ça y avait non plus. Non? Il y avait des gens qui n'avaient pas beaucoup d'hygiène à ça côté sentait. De nous. Ah, pas juste ça. Ah, OK. Il y avait du poil? Ouais, il y avait du poil. Eh ben. Pis c'était vraiment pas propre, là. Tu sais, des gens qui dansent sans penser qu'il y a d'autres gens autour, là. Fait que là, je me suis inventé une façon de contrer les mosh pits. Tu lèves les poings vers le mosh pit. Comme ça, s'il y en a qui te foncent dedans, ben, ils vont en manger un, mais c'est pas ta faute. Go-Go Power Rangers. Ouais, c'est ça. Moi qui aime pas me faire toucher par les gens, moi, je capotais. En tout cas. Hey, j'ai une question. Tantôt, vous avez dit que vous étiez allé voir Xavier Caffeine. Ça ressemble. Ah, pas toi. Oui, moi. T'as déjà vu? Oui. OK, ça ressemblait à quoi? Je l'ai déjà vu il y a plusieurs années, puis il était assez en feu. Oui, c'était quelque chose. Ouais. Était-il intoxiqué ou pas? Je ne sais pas. Mais influence. Écoute, on est arrivé, puis lui aussi, on est comme arrivé un petit peu en retard. Là. Ça devait être la première ou deuxième chanson qu'il jouait cette journée-là, là, ponctualité, zéro pin bar. Puis on arrive, puis les gens, ils étaient pas particulièrement dedans. Là. La foule, moi, ça me fâche quand la foule est pas dedans. Ouais. J'ai tout envie de les taper, puis hey, dansez! Bon, il y avait tout 75 ans, mais c'est pas grave. Fac, Xavier Caffeine, il nous a donné un très, très bon show. Toutes les chansons, sérieux, j'ai été étonnée. C'était pas toutes nécessairement des chansons que je connaissais, mais presque toutes, je les connaissais. Je connais pas les titres. Là, son premier album ou deuxième album? Un peu des deux. Okay. Gisèle a joué, puis... Ici, c'est la fin du monde. Ouais. OK, c'est là. Télévision, oui, oui. Moi, je l'aime bien, Xavier Caffeine. Mais c'est un spécial. Je suis juste de le voir danser sur stage. Écoute, il faisait des nunchaku avec son micro, puis il a fait tomber le micro. Un des micros qui était par-dessus le set de drum du drummer. Puis là, le technicien était tout le temps rendu sur stage en train de ramasser des dégâts à Xavier Caffeine. Je te jure, il avait tout le temps les deux pieds dans le même plat, mais c'était drôle. Il crachait aussi sur scène. C'était un vrai de vrai dur à cuire. Ouais, il crachait tout partout, prenait de la bière. Pff, c'était insalubre. C'était presque moi quand je l'avais vu. Écoute, c'était insalubre, là, mais c'était bon. J'ai envie d'acheter son album juste pour ça, sérieux. Ça va le récompenser. Oh, pour ouais, s'acheter d'autres micros. D'autres bières. De la réparation, ouais. je sais pas trop qu'est-ce qu'ils consomment. On y demandera. À la suite de ce spectacle-là, en fait, c'était Jonas et la massive attraction. Ah oui! Ah oui! On peut pas passer au prochain sujet de discussion. D'accord. Ah ouais, non, mais écoute... Rise-en. Si tu me donnes des commentaires sarcastiques, je suis pour, moi. Parle-moi-en. Je suis allée là juste pour voir un peu de quoi ça avait l'air. J'ai pas aimé ces chansons. Uh-huh. J'ai pas aimé ces chansons, mais il était beau à voir. Ah, tu sais, oui. T'as beau être un gars aux chèvres, tu peux être genre une fille au fromage de chèvres. Ah, oui. N'importe quoi. Tu peux... Ça dérange pas, c'est quoi ton orientation sexuelle, je te jure, là, ce gars-là, là. Il émane des hormones là, dans l'atmosphère. Je te jure, là, les femmes de 75 ans, il est assez épine. Là, il était pas quoi. Il était vraiment, c'était très, très, très rempli de d'innuendo sexuel, son affaire. Là, c'était le fun à le voir. Puis là, quand je suis arrivée au Bata, au Book and the Authors, suite à ce spectacle-là, ouais. J'étais toute comme, ouais. Le Book and the Authors, ils ont eu comme genre le aftermath du show de Jonas. Donc, j'étais déjà dedans quand je suis arrivée à Obata. Fait quelle sorte de fromage? Hein? De chèvre. Fromage de chèvre. De chèvre, OK. Malaise. Non. Et voilà. Fait qu'à part Random Recipe que j'ai absolument adoré, que j'ai réussi à... Oh, je t'ai pas compté ça! Oui, je sais, ils ont eu des becs. Oui, on a eu des becs. OK. OK. Sarah. Sarah. Ma copine. Oui. I'm there. C'est un truth or dare, là, un vérité conséquence. Vérité conséquence. Elle me fait une vérité conséquence d'aller demander à Fab. Fab. Qui est la rappeuse. Ouais, la plus belle femme du monde après Sarah. D'aller lui demander de me donner des becs. Fait là, je lui dis, je pourrais pas faire ça, je t'écoute, j'ai un nez. Je peux pas faire ça, je passais sur le pont. Fait que là, je dis, j'ai une idée. Finalement, je vais lui demander de donner. Je lui demande. Combien ça coûtait pour avoir des becs. Puis je lui ai demandé que c'était de la part de mes amis. Fait que finalement, elle nous a tous donné des becs. Okay, combien et à quel endroit? Deux, c'est joues. Et voilà, deux, c'est joues. D'accord. Fait que j'ai gagné des becs chez joues. Ça t'a coûté? Mais ça m'a rien coûté. Rien coûté. Ah, c'est gratuit. Ben, je l'ai pris au dépourvu parce que je sais pas si ça faisait son affaire ou pas, mais t'as tout gêné. Mais ça crée un précédent. Hein? Ouais, c'est ça, j'ai un précédent avec la police. Mais pas, ouais, c'est ça. Moi, je suis avec toi, avec elle, par rapport à tout le monde maintenant. Ben, c'est ça, exactement. Si elle le fait à toi. La prochaine fois, je vais demander à la même affaire. Écoute, t'as-tu augmenté tes prix? Non? C'est ça. Fait que dernier spectacle que j'ai vu, moi, c'était Benny Bonifaci, à ne pas confondre avec Benny Benassi, qui, elle. Benny Benassi. Satisfaction. Wow. J'aime ça chanter ça. Fait que c'est ça, c'était Benny Bonifaci, que c'était vraiment excellent. C'était super éclectique. Là. J'ai jamais vu ça. Là. Elle avait comme tout un set de strings. Des cordes. Set de avec un batteur, une bassiste. Elle qui chantait, bien entendu, puis une dame qui jouait du piano, qui elle était vraiment là, hilarante. C'était un mix de grotesque, un peu burlesque, mélangé avec un peu de drôle, un peu bizarre. C'était, elle reprenait des vieilles chansons françaises. J'ai bien aimé. Finalement, j'ai pas été voir Marc Hervieux. T'es-tu content? Ben, ça me dérange pas. Mais m'a dit que j'aurais aimé les détails aussi. Hein? Ah non, non. Combien il charge du bec, lui? Bah, il n'y a pas de détails, lui. Ouais. Tout est en gros. Tout est en gros. Ouais, c'est grosso modo. D'accord. C'est bien. J'aime ça. D'accord. Merci, Justine. Ah oui, oui. Beau survol. Mm-hmm. J'aime ça, les petites anecdotes à l'intérieur des critiques de spectacle, moi. Ça rend les becs à Fab. Pas mal plus personnel, oui, mais tout à fait. Fab, si tu m'écoutes, je t'aime. Ah, c'est touchant. Touchant. Sarah, si tu écoutes, elle s'excuse. Ouais, c'est ça, parce que. Oh non, je t'aime toi aussi. Ouais. Position numéro 2. Donc, merci encore une fois, Justine Renaud et Stéphanie Gagné, pour la chronique Ton plat favori. Un autre moment d'anthologie, des meilleurs moments d'assemblage requis, je pense. Facilement. C'était mélangé, hein? Intense, un peu. C'était la recette mélangée à Random Recipe. On comprend le gars ici. On va entendre encore une fois une pièce de Our Book and the Authors. Tu nous as choisi pas mal la même que la semaine passée, comment? Mais ça? Oui. C'est ça. Je pensais que t'allais varier, mais on va écouter la même. Ben, je m'excuse. Tu veux-tu qu'on varie? On peut faire jouer non, The March. On peut en faire jouer une de Our Book and the Authors puis une d'un autre groupe. Deux petites pièces comme ça, ce serait pas pire, non? Ouais, mais si t'as The March, tu peux mettre The March aussi. D'accord. Je me rappelle plus qu'on avait joué Kids. Ce qu'on a, c'est. Non, je pense pas qu'on a The March. On a seulement l'album qui s'appelle Our Book and the Authors. C'est bien ça? Je joue n'importe lequel. C'est pas grave. Ouais, écoutez, Kids, hein, tu m'avais dit Kids au début, ça va être ça. OK. Bon. On écoute ça. À la vie de croisière d'assemblage requis. Bon. Tout, tout, tout. Qu'est-ce qu'il y a? La bouche ouverte, non? OK. Laisse faire. It's cold outside, it's cold outside. Put your scars in your mittens, cause it's cold outside. It's cold outside, it's cold outside. Put your scars in your mittens, cause it's cold outside. It's cold outside, it's cold outside. Put your scars in your mittens, cause it's cold outside. It's cold outside, it's cold outside. Put your scars in your mittens, cause it's cold outside. Random Recipe, mais pas Random Recipe. Our Book and the Authors, qu'on vient d'entendre, avec une pièce nommée Kids. On n'était pas supposé revenir entre les deux. Donc voici Random Recipe et Stars Eto. On n'était pas supposé revenir. C'est quoi l'affaire de revenir entre deux pièces de même? Hein? Hein? Hein? Hein? Est-ce que tu t'en vas, Steph? Oui, je m'en vais. Tu restes? Je m'en vais. Tu t'en vas? Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'on va laisser la fille chanter. Yesterday, don't say. If you say it's having a day now, don't run away. You break, you prefer yesterday. Under the weather, I pretend to be living a happy day, dreaming the shades of caviar, lighted tint of gray. Sooner or later, hotel, worldwide gypsy, your disposal. In your hands, you got to go to veto. Promise he'll over me, greet tomorrow. Let's just say it's a happy day now. Don't run away, you boy. Keep it right as a day, you don't say. Let's just say it's a happy day now. Don't run away, you boy. Keep it right as a day, you don't say. Random Recipe et Stazito dans les vies de croisière d'Assemblage Requis. On revient juste après la pause. Vous êtes assez fou. Vous l'écoutez. 89.1. Marie-Pierre, Mathieu, Croisière, Assemblage, Requis, c'est fou. Vous êtes toujours à la vie de Croisière d'Assemblage Requis avec Marie-Pierre et Mathieu. Il nous reste encore une vingtaine de minutes ensemble pour entendre le top 6. Donc, on va se clencher deux blocs de trois, je pense. Hein? C'est pas mal. Allons-y. Ce qu'on va faire. Tout à l'heure, on va entendre Mother Mother et Enjoy Your Pumas. Mais on débute avec la sixième position anglophone. La sixième position, Austria avec Beat and the Pulse. Ooh, Beat and the Pulse. Pa-da-pa-pa. Pa-da-pa-pa. Il y a un requin qui s'en vient, je pense. Non? Les dents de la mer, non? Un peu. We'll be right back. 5. Oh, for the human race, but for the planets and the stars and everything else in Mars. Don't even know. Everyone's and they don't even know. Everyone's don't even know. Everyone's fucked and they don't even know. The Stand par Mother Mother, précédé de Enjoy Your Pumas avec Do It Every Day. C'est la fin de la vie de croisière d'assemblage requis pour cette semaine et on a très peu de temps pour se dire au revoir, Marie-Pierre. On va se revoir bientôt. Ben oui, toi tu prends un congé de 3 semaines en fait. Oui. Donc ça va être moi et d'autres gens en remplacement de toi et puis on va se retrouver donc dans un mois à peu près. À peu près. Donc, merci à toi d'avoir fait l'émission depuis le début de l'été, puis au moins aujourd'hui. Merci à toi, Mathieu, de m'avoir invité. Merci à Simon Fitzbé, merci à Stéphanie Gagné, à Justine Renaud. Et on se retrouve jeudi prochain en direct de 13h à 17h. Pour les auditeurs du jeudi, c'est une dose d'estrogène qui s'en vient avec Marie-Michel Caron. On joue aussi le samedi de midi à 16h. C'est C'était fou qui s'en vient avec moi-même. Et puis on joue le lundi entre 15h et 19h. Ça va être Rock Révélé qui va suivre à 20h. Passez une excellente semaine. On se quitte avec le top 3. Il va y avoir Beastie Boys avec Too Many Rappers, l'ancien numéro 1 en 3e. En 2e position, c'est Chad Vangelum avec Sarah. Et en première position, ce sera Miracle Fortress avec Everything Works qui monte de 2 places. Bye bye. Bye. Bye. On your mind, let it out. Like an exorcist, coming home to fools. Handheld 58 when it's time to get loose. Don't need the ear goggles, looking through the speakers like a scientist. With tubes and beakers, have MCs over my house. I'm fixing bars, but you rappers, we going out, going Dutch. So pass me the sword. I start swinging, just randomly chopping on a crazy ass mission. Because I'm back with the bang boogie, oogie oogie. Strawberry letter 23 like Shuggy. Oh my god, just look at me. Grandpa been rapping since 83. I'm supersonic like JJ Fad. Crazy ass shit pulling out the bag. Don't forget the tartar sauce, yo. Cause it's sad, all these crap rappers, they rapping like crap. I crabs. Have carte blanche, the vagabond. Nas is the narcissist. My pockets are rotund, I'm no killer. But compared to you, I'm more realer. You ain't a shot to mobster or a drug dealer. A slug pillar, you're not. Mafioso, no. You ain't got the cutthroat in ya. Beginner, I ain't trying to hear your racket. You work with police, dog, you snitch, your rat. You wear that jacket. How many rappers must get this? Give me 8 bars and watch me bliss. This I start to reminisce. And I miss the real hip hop. Bitch, I persist like rum and mojitos. Bullets and banditos, muscle balls and soup. Jackets and truth, just go.

let myself break you.